Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Oh là, il y a de l'énergie là. C'est trop. C'est la fin de l'émission. C'est trop picot, même. Ouais. Non, c'est pas la fin de l'émission. Il y aura un décalage entre le début et le reste de l'émission. Ouais. Là. Ouais, relève ton micro tout de suite ou je deviens fou. C'est vrai qu'il est pointé sur ta pomme d'Adam. Je me prends. Non, mais tu me rends dingue en fait. Sale idiot. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. J'aime pas, Adrien Méniel. J'aime pas. Ça va ça, non, je suis de mauvaise humeur. Mais oui, alors il a pas dormi. J'ai dormi. Il a pas dormi. Il a été en boîte. Et après, tout m'a énervé là depuis ce matin, à part de vous voir. Suceur. Je suis un énorme suceur. C'était chiant. Grognon. Oh là là, ouais. Non. Tu t'es levé à 3h, tu me disais. Oui, enfin. Et puis je me suis endormi vers, je sais pas, 4h, 4h30. Ah oui, donc c'est pas une insomnie. T'as très bien dormi. Une heure et demie en moins, ça va pas mal. Non, mais je me suis. Comment ça? Ils savent pas faire la différence. Tu t'es réveillé à 3h et tu t'es rendormi à 4h30? Oui, c'est une heure et demie. Ça s'appelle une insomnie quand tu n'arrives pas à dormir en pleine nuit. Pour toi, une insomnie, c'est vraiment zéro dodo de zéro. Et j'en fais une fois par mois, je dors pas du tout de la nuit. Alors, je rappelle, c'est pas une compétition déjà. Mais si, j'ai gagné. Tout simplement. C'est une nuit blanche, c'est pas une insomnie. Une insomnie, c'est quand tu galères à dormir. Après, je suis. Peut-être un peu con, hein. Ah oui, par exemple les insomnies du matin où c'est juste tu te réveilles extrêmement tôt. Comme ce matin pour ma part. Ah. Ouais. Ah oui. J'ai pas l'habitude de me lever à. Ah, c'est raté. Oui, T'as raté. J'ai pas. Imagine ouais, Adrien. Ouais. Mais niel. Ouais. Imagine juste hein. Le délire. J'essaie d'imaginer là, mais. Non, insomnie, difficulté à s'endormir ou à dormir suffisamment. Donc, si tu fais des grosses heures. Donc, ferme-la et présente tes excuses. Mais ta grosse gueule, Léopold de Marche. Je présente mes excuses. Mais ça peut être aussi période pendant laquelle une personne ne parvient pas à dormir. Donc, en fait, les deux. Les deux fonctionnent. Faites la paix là. Mais c'est la même chose, les deux. Et pas le paix, le prout. Non, imagine si c'est ça. Faites la paix, serrez-vous la main. Serrez-vous la main ou je commence pas l'émission? Ok. On l'a fait. Elle est un peu molle. Ils se sont touchés la bite. Ouais. Vous voyez pas, mais ils se sont touchés la bite. Ah, tiens, d'ailleurs, serre-moi la main comme si on se disait bonjour. Est-ce que tu trouves que je serre la main bizarrement? Non. Ok. Parce que j'ai fait l'affection. Je sais plus qui m'a dit ça. Ah bon? M'a dit, oh putain, c'est trop bizarre comment tu serres la main. Et parce que, soi-disant, je fais en sorte que les paumes ne se touchent pas. Et on m'a dit, t'es taré, quoi. Ah ouais? Et bah, la personne qui t'aimait ça. Faut l'enfermer. Il est en mode, faut l'enfermer. Non, je fais la normale. Mais en fait, moi, je sais pas, je fais ça et les paumes se touchent pas, quoi. Et on m'a dit, ah, trop bizarre. À cette décharge, t'étais à poil. J'étais à poil. J'ai peut-être occulté qui m'a fait une réflexion là-dessus. C'est peut-être voilà, ça, ouais. Il a peut-être dit, les paumes se touchent pas, par contre, nos sexes se touchent et c'est trop bizarre. Mais bon. Non. C'est pas un problème, ça, Anti. Non, bah pour moi, non. Bah, voilà. Ouais, en 2025, je sais pas. Moi, je dis bonjour comme ça, moi, après. Alors attendez, on parle, on n'a même pas présenté nos invités. Ben oui. Notre premier invité, vous la voyez de plus en plus sur le web, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et surtout sur Twitch où elle live armée de ses crampetés. Son pseudo c'est Lapanie. Léopold, ah non. Non, c'est Lapanie, ce qui en chinois veut dire pincer ou attraper une poêle. Okay. Alors j'étais très surpris sur Google Translate. Très bizarre déjà d'avoir le même mot pour dire ces deux choses. T'imagines un peu les trucs. Il t'a attrapé une poêle ou il t'a pincé, c'est vraiment. Bah non, mais c'est ça. Donc... C'est l'inverse de mon prénom qui veut dire chatte par contre en anglais. Oui, Fanny. British, donc bon, en British. Donc voilà, on en apprend des belles choses dans ce podcast ou quoi. Bah c'est Fanny, voilà. Bravo. Ouais. Bravo. Merci beaucoup pour l'invitation. Elle a le vent en poupe. T'as le buzz. Pas toi par contre, c'est dur d'avoir le vent en poupe. Pardon. Pourquoi? Pas à cause des cheveux? Non. Mais quel rapport? Bon, c'était un clash. Il y a un petit. Bon, il y a un ventre mou là. Mais je sais même pas ce qu'il arrive poupe. Très tôt, mais. C'est une voile en fait. Poupe, c'est une voile, le vent en poupe. T'as le vent dans la voile donc t'avances. En fait. Ah oui! Donc aucun rapport avec mes putains de cheveux. Donc, c'est pour ça que t'as fait un bide, famille. Ah, mais il a dit, il a pas bien dormi. Hein. Non, ça va, allez, je me fais agresser. Je rigole. Ça tirait même pas les cheveux, honnêtement. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais très bien. Avant de. Quand j'ai commencé à les perdre, c'est une cata. C'est un des seuls dans la vidéo de McFly Carito. On a fait une vidéo 10 ans après. qui est le plus beau. Non. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui bougent pas. C'est... Ouais, c'est vrai. La plupart ont pris vraiment dans la gueule. Continue. Continue. Celui-là, il est plus beau. Il est plus beau. Ah, toi, j'ai trouvé que t'avais pas bougé, toi. Non, ouais, moi, j'ai pris dans la gueule. Non, j'ai pris. Ah, non. Vous êtes adorable. T'as pris énormément d'argent, surtout, mais. Physiquement, t'as pas bougé. Notre second invité. Lui aussi, il a eu un pseudo à une époque. C'est il Léopold, était catastrophique, oui. Ah là là. Et il est comédien et auteur et il se lance dans un nouveau défi, la scène. Mais attention, je ne parle pas du célèbre fleuve de 774 km qui coule dans le bassin parisien. Et il y a notamment Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Ouais, c'est Léopold. Ah oui. Ouais. En plus, je suis normand, donc ça marche. Oui, c'est tout, vrai. Tout colle, là, ouais, tout de colle. Véro, Rouen, de Caen. Caen, ouais. Ok. Ouais, c'est bien, la Bretagne, ça. Voilà. Non, bah non. Pas loin, presque. Comment ça va, Léopold? Bah très bien. Et vous? Ça fait plaisir de te voir, Léopold. Moi, il est là. Je t'ai dit, moi. Non, mais j'ai déjà dit moi que. T'as fait de la question. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je disais pour gagner du temps et on en a perdu énormément. Est-ce que tu es content d'être là? Je suis très heureux, ouais. Ah, ça fait plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais t'es venu souvent. Chez toi? T'es venu régulièrement. Non, oui. Oui. Non, mais dans l'émission, t'es venu régulièrement. Oui. Et là, t'as quelque chose à promouvoir, ce qui n'était pas forcément le cas. Attends, mais c'est dingue. En plus, je stresse un peu pour ça parce que c'est la première fois que je vais promouvoir quelque chose au-delà de mes deux BD de merde, Gérald. Ouais. J'entends, hein, bien sûr. Elles sont très bien. Là, c'est un premier vrai gros projet, quoi. Tu l'as eu à Noël? Ouais, je l'avais eu à Noël. C'est pas vrai, j'ai je te l'ai dit. Attends, quelqu'un t'a offert ça à Noël? Oui, mon ex. Ah, mais voilà. Ah, non, c'était 9 ans, donc il y avait vraiment de l'amour. Oui, non, mais bien sûr. Et j'adorais ce que tu faisais. Enfin, j'adorais pas au passé. J'aime toujours. Et là, c'est le côté un peu baka, tu vois, qui ressort. Et est-ce qu'on peut imaginer que le fait qu'il t'ait offert la BD de Léopold a contribué à ce que vous sépariez? Oui, peut-être. Et non, c'était 4 ans plus tard. Ah, ouais. Non, vraiment pas. Après, c'est très bien cette BD. Et tu l'as aimé? Ah oui, j'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré. Bah écoute, c'est. On sait jamais quand elle plaisante. Ah ouais, bah non, mais elle a bien marché. Non, mais j'en vanne en disant que c'est de la merde. Oui, alors qu'elle a très bien marché, c'est un vrai succès en plus. Alors que t'as vraiment en poupe quoi. Alors qu'il a vraiment. T'es dans cette expression. Mais oui. Tu viens de l'apprendre. Tu viens de l'apprendre. Elle dit tout le temps. Chers amis, on va faire le jeu du Floodcast. Tu m'étonnes. Bah attends. Tu m'étonnes. Est-ce que je vais me priver, Adrien? Comment? Est-ce que je vais me priver? Non, je pense pas. Mais c'est pas du genre, tout. En tout cas. Une jeune femme, des Pays de Galles a été punie par la justice pour avoir harcelé l'ex-conjointe de son compagnon de façon assez surprenante. Avec votre caca, elle envoyait du caca. Donc. Alors on n'est pas loin. Ah, ça me plaît ça. Ah, ça cette information est peut-être fausse, mais elle me plaît de quoi elle est vraie. Alors Fanny est folle de merde, attention. Ah, j'adore ça. Regarde ce que son mec lui a offert. Oh waouh. Du vomi peut-être. Ce n'est pas du vomi. Est-ce qu'elle lui a fait livrer des trucs chez elle tous les jours? Non. Non, c'est pas ça. Pas ça. Mais il y a un truc avec le caca donc un peu. Alors pas le caca pur, mais on s'approche. On est le caca dur peut-être. Caca dur, elle a jeté des choses sur son sabbatis? Non, elle n'a pas jeté de merde sur sabbatis. Elle a harcelé du coup. Alors c'est ça? Oui, alors ça s'approche d'harcèlement. Peut-être. Elle a pété chez elle. Alors. Elle a pété dans sa boîte aux lettres. Elle a pété dans sa voiture. Elle a pété dans sa voiture. Elle a pété dans sa boîte aux lettres. Elle a pété. Non. Elle lui a pété dessus. Alors elle lui a pas pété dessus. Elle lui a envoyé des pots dans lesquels elle avait pété. Mais attends, mais ça sent plus après. Hein? Ah oui, ça sent ah plus. Bon mais ah si écoutez, si le pot est hermétique, le père reste dedans et quand tu attends, t'as un bocal ou pas? Ah, ouais. Il a déjà testé. J'ai testé fait l'expérience quand j'étais enfant et ça marche. Hein. Testé et approuvé. Ah ouais, tu l'as gardé combien de temps le bocal? Je sais plus. En vrai, c'était plutôt mon frère et moi j'étais spectateur du truc, ouais. Mais j'ai constaté que ça pue. T'as regardé ton frère en train de péter dans un bocal? C'est ça que t'es en train de nous dire? C'était dans les petites boîtes où on met les pellicules pour les appareils photo là. Il avait pété dedans et il faisait des expériences. Moi, je balance mon frère. Après, il sera ravi. Et du coup, ça a fait une belle photo ou pas? Top. Non, ça pue, ça reste vraiment. Non, mais attends, qui est-ce qui collectionnait ces paix? Bah, il y avait une influenceuse qui vendait des paix en bocaux sur. Oui, voilà, tout simplement. Ouais. Et Philippe Catherine collectionnait ses crottes. Mais c'est Catherine, merde. Oui, c'est merde, mais je crois qu'il y en a un qui collectionnait ses paix. Mais c'était aussi. Pas pour un film? Non, il c'était vraiment pour un plaisir personnel. Plaisir personnel. Tout simplement. Ok, d'accord, ça me va. Farfelu, je dirais. Oui, il a un univers. Oui, voilà, mais bien à lui. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, vous y êtes presque. C'est le cas. C'est les paix. Elle l'a appelé et a pété dans le téléphone. Bon, on y est presque là, vraiment. Oh, c'est excellent ça. Mais moi, pour moi, c'est pas du harcèlement, c'est génial. Ah, mais moi, je retourne avec, hein. Moi, tu me fais ça. Moi, je dis, bon, ok, je craque, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais là, vous y êtes, je vais vous donner la réponse que vraiment, elle envoyait à l'ex-conjointe de son mec des vidéos de elle qui pète. Oh. Tout simplement. Bah. Mais elle, On est sûr que c'est du harcèlement. Elle filmait son cul. Ah. Alors je vais vous raconter tout. Est-ce qu'on voit le trou de balle qui moi je veux tous les détails, s'il te plaît. Attends, je remets une bûche dans la cheminée. Je vous resserre un petit verre. Alors, Rhiannon Evans, 25 ans, a plaidé coupable. Rihanna? Rihanna, c'est Rihanna. Ça va pas ou quoi? Pas étonnant qu'Azaproki soit en prison, tu m'étonnes. Il pète un plomb. Rhiannon Evans. Elle pète tout court, apparemment. Bravo. Rhiannon Evans, 25 ans, a plaidé coupable après avoir été accusé d'avoir harcelé Deborah Pritek. Pritek. Okay. Quelques jours avant Noël. Alors en vrai, est-ce que c'est un film de Noël pour moi? Ah, c'est la magie de Noël. Quelques jours avant Noël, elle a envoyé une première vidéo. C'est un calendrier de l'Avent en fait. Par jour jusqu'à Noël. Et le 24, elle lui envoie sa merde. Du tout ça, c'est le plus gros paquet. Quelques jours avant Noël, elle a envoyé une première vidéo dans laquelle elle a filmé son postérieur au moment où elle lâchait une flatulence. Voilà. On y est. Oui, mais le 22 décembre. Habillée ou nue? C'est ça, c'est j'ai pas les infos. Ouais, mais voilà. Le 22 décembre, la femme de 25 ans a transmis 3 autres vidéos de la sorte à Deborah Pritek, puis 4 supplémentaires dans les jours suivants. Chaque fois, on pouvait voir Rhiannon Evans laisser échapper un gaz puis sourire à la caméra, a indiqué le jury. C'est pas du harcèlement pour moi. c'est bienveillant. Je pense que n'importe qui fait ça. Pour moi, j'adore. Ouais, enfin, Baptiste Lorbert et Gaël Lactoub en ont fait une carrière. Chaque fois, on pouvait voir Rhiannon Evans, donc voilà, péter. Mais celle-ci a répété le manège le 26 décembre, répéter. Puis le. T'es trop con. Répéter. T'es trop con. Non, mais. Adrien. Après, je sais pas, ça vient comme ça. Adrien. Méniel. Les proutes d'Adrien. L'épée de Méniel. Il danse. Ouais, oui, il a flossé devant nous. Pas facile à s'y flosser. Oula, Raymond DeVos. L'accusée a admis avoir envoyé ses vidéos, mentionnant qu'elle agissait ainsi car elle trouvait que son copain était traité de manière injuste par l'ex-conjointe de celui-ci. L'ancien couple vivait un profond désaccord sur la garde de leurs enfants. Selon la couronne, voilà ce que ça s'appelle la couronne, le tribunal là-bas, Rhiannon Evans semblait trouver ses vidéos hilarantes. Mais la victime ne ressent pas du tout la même chose. J'aimerais me sentir en sécurité chez moi. Non, a témoigné Deborah durant le procès. La cour a imposé à Mme Evans 15 séances de thérapie de réhabilitation, ce qui est un peu marrant quand même d'aller voir un psy pour dire bon bah voilà, j'envoie des vidéos. Elle va lui péter dessus en plus, donc. Le psy dit bah c'est hilarant, tout va bien. Oui, annulons les 14 prochaines. Faisons du thé et juste passons un bon moment quoi. Et une période de sobriété de 60 jours, puisqu'en fait l'accusée a avoué qu'elle buvait un peu avant d'envoyer ses proutes. Ah, c'est ça l'épée, c'est ça. Ça explique tout. Toi, t'as grave été harcelé, Léopold, par. McFly et Carlito. Ok, moi bon, putain, ouais, non, c'est quoi le rapport? Oui. Parce qu'avec Fanny, les gens ont dit, enfin eux ont dit, t'es moche, et là le mec a été. Ah non, on n'a pas dit t'es moche! Il rajoute un. Fanny a dégueulé dans la vidéo de McFly et Carlito. J'ai vomi sur lui. T'as reçu des messages? On va contextualiser pour les gens. J'ai fait une vidéo avec McFly et Carlito et Fanny et Thomas Dezer où j'explique que j'avais fait des vacances avec Big Flo et ses potes et j'avais expliqué que, donc, en partant en vacances avec Big Flo et ses potes, on avait demandé à nos meufs respectives de faire un classement du plus moche au plus beau et je finissais bon, pas le dernier parce que évidemment Big Flo était dans la salle. J'allais le dire. Big Flo, un physique, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est... Je plaisante, attends. Non, super proche, bien sûr. Voilà. Tu vas te refaire harceler, c'est con. Mais cette fois-ci, ça sera contre lui. Oui, voilà. Donc continue. Et donc, Léopold, quand tu dis on part en vacances ensemble, il paye tout et tu t'incrustes. Attendez, mais bien sûr. Sinon, je ne partirai pas en vacances avec lui. Ça serait d'ailleurs pas mon ami. D'accord. Mais c'est bien de mettre les poings sur les yeux. Il écoute normalement Big Flo. C'était tes dernières vacances. Tu pars où? Non, c'est parce qu'en fait, moi, ma manière de rémunérer, c'est de faire rigoler lui et tous ses potes. En gros, je suis un peu le clown. Ok, un bouffon quoi. Un fou du roi. Un extrait, une merde. Exactement. Et ça me va. C'est oui, ça bah, c'est... Voilà. Et t'es payé pour ça, c'est ça le. C'est ça qui est beau. Bah, c'est ce que tu fais sur scène, sauf que là, on te paye en vacances et en nourriture, mais c'est bien. Ouais, c'est bien, moi je trouve ça bien. D'ailleurs, Big Flo, on fait des blagues, nous aussi. C'est vrai. Et donc, j'étais souvent dans les derniers et je découvrais que j'étais pas. Quelqu'un de pas très beau. Mais attends, qui étaient les autres? Il y avait donc Oli. Bah en fait c'est ça, c'est que les filles m'ont dit mais oui mais les autres potes de Big Flo sont très beaux donc. Mais c'était qui? On peut dire? On sait qui c'est. Il y en a pas un. Non, on pourrait dire bon. Et donc dans la vidéo de McFly et tout, j'ai raconté ça et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait il y a quelqu'un, je crois que c'est, je sais plus si c'est leur maquilleuse ou la personne qui gère la prod, mais qui en gros a fait un classement et effectivement Léopold est arrivé bon dernier et donc du coup après donc, Thomas Dezer, c'est ça qui m'a fait chier surtout. il y avait les deux personnes qui lui donnaient son salaire donc évidemment qu'elle n'allait pas les mettre derrière toi. Et il se trouve que c'est une légende comme quoi McFly est beau comme un dieu, faut arrêter. Voilà. Non, tout, il est beau, mais ils en font un truc McFly est sublime. Non, il est normal. Non, il est vraiment beau, moi je trouve. Ah ouais, moi je. Mais même Carlito, je trouve qu'il est charismatique. Mais moi je trouve Carlito plus beau. Ouais, moi aussi. Mais moi je te trouve très beau, premier degré. Bah merci, ça me touche. Et là, il se passe un truc, j'ai l'impression. Non, mais trop con, je rigole. Non, mais... Et alors les gens sur TikTok avaient repris cette séquence où je parle de ça de la musique avec triste. De la musique classique triste avec un violon en mettant de la pluie en noir et blanc et tout. Oui, et comme... du coup, alors le TikTok a fait beaucoup trop de vues, beaucoup trop de likes, 400 000 likes. Ah, c'est vrai. Et alors j'ai pas réagi parce que je m'en fous, mais en vrai, je. Mais c'est une habitude quand même des gens de TikTok de faire ça, quoi. Pour les Rose, ça avait déjà été ça. Ouais. Je pense que c'est des personnes qui ont 14 ans maximum qui font ça, j'espère. Oui, c'est aussi. Je suis même pas certain. Hein, non, mais là, ils font ça aussi parce qu'ils savent que ça va faire des vues après. Je pense que la personne qui poste ça sait que je suis au second degré et que j'ai du recul par rapport à ça. Mais c'est terrible. Mais il se dit qu'il va faire des vues en tenue classique. D'accord. Bah, et moi, c'était ma première vidéo sur YouTube, donc ça m'a mis bien dans le bain. Mais genre, toi, il y a des gens qui t'ont reproché d'avoir dit des trucs. Ah, bah oui. Ah ouais. Moi, on m'a dit que j'étais une suceuse de buzz, que j'ai réussi grâce à Yes, enfin voilà, encore plus du coup, ça s'est accentué. Yes, et en plus, t'es même pas belle, donc voilà, oh là, tu te permets de faire ça. Et je dis, les gars, je rigole. Après, et c'est du coup, assez je me suis que excusée. Que tes femmes se fassent harceler sur Internet. Oui, c'est vrai, c'est assez rare. C'est bizarre que tu me dis là. Okay. C'est rare, mais c'est pour ça que je mets le point dessus. Ça n'arrive plus, quoi. Ça n'arrive plus. Ça peut arrêter. L'exception qui confirme la règle. Mais du coup, je me souviens, je t'ai envoyé un vocal parce que j'étais un peu dans le mal quand même, parce que je sais que moi, c'est full second degré, mais c'est pour ça qu'à chaque fois maintenant. Je fais une blague, je me permets quand même de dire je rigole vraiment parce qu'on sait pas. Mais moi j'avais pas ri juste parce que la blague était mauvaise. Ça c'est de la misogynie, les gars. On remet point dessus. J'étais pas vexé. Pas du déçu tout. Par la blague. Déçu. Mais ouais, du coup, je me suis excusée envers Léo. Merci parce que t'es la seule à faire ça. Mais en vrai, t'avais pas forcément besoin. Hein. Oui, mais parce qu'en fait, moi je rigolais. Oui, t'es signé un petit peu contradictoire. Supprimer le merci. Merci beaucoup d'avoir fait. C'est gentil, il fallait pas le faire. Inutile, mais merci beaucoup, ça marche énormément de bien. C'est normal, tu vois, parce que j'ai toujours peur que tu dises rien, tu sais, tu rigoles et après, en fait, ça t'a vraiment fait du mal. Oui, oui. Non, mais en plus, après, du coup, Léopold, il a fait un message pour dire arrêtez de harceler Fanny et tout. Non, il l'a pas fait. Bah, je savais pas, moi. Non, mais j'ai pas été harcelé non plus, le terme est énorme. Comme ma bite. Attends, mais non, là, je peux pas me. Hop là. Harceler Léopold plutôt. Un Suédois a été arrêté. T'es beau, moi, si ça peut te. Mais oui, il est beau, mais non, je te promets. Charmant, plus charmant que beau, si je dois être tout à fait honnête. Oui, en vrai, oui. Mais c'est un tout. C'est ouais, ça qui est fou. Et l'humour fait aussi que je suis un peu. Quand bien même, sûr, la célébrité. Non, mais t'es pas drôle, l'argent par contre. Que. C'est pas parce que. Non, mais c'est un tout, c'est l'argent, c'est la célébrité. C'est ça, ça. Pas tant de thunes. Mais si tu t'as pas à te plaindre, je pense. Pour ce que tu fais. Pour la quantité dérisoire de travail que tu fournis, c'est quand même pas mal. Ah, cela dit, alors pas tout de suite par la promo, maintenant, mais la scène et mais tout. Non mais c'est vrai, tu m'en as parlé, tu m'as dit putain mais là me rends compte que c'est vraiment de taffer. Je t'avoue qu'avant avec YouTube j'en branlais pas une. Oui, ah bah, non, mais... je faisais une vidéo par mois, voilà, c'était ridicule. Et en plus je faisais pas le montage et tout. Là depuis un an vraiment avec la scène donc oui c'est l'inverse en fait un peu, j'imagine, c'est à dire que tu travailles beaucoup pour moins de thunes, je pense. Ah, pour moins, c'est ça. En rodage, en plus je gagnais rien, donc j'ai vraiment hâte que ça fonctionne. Oui, t'as l'air en dépression. Les marques, si vous nous entendez, les petites OP là pour Léopold. Il se gratte les bras jusqu'au sang là. Il faut essayer de faire des OP sur scène. Ouais, tu sur vois, scène, ça serait sketch, exceptionnel. Ça serait vraiment drôle, t'imagines. D'un coup, tu sors un truc au lit. Tu dis, bon, j'en profite, c'est super bon. Il y avait cette blague dans la première version du texte. Il y avait des placements de produits, je l'ai enlevé parce que je voulais pas faire le lien entre YouTube et la scène. Ah, donc il y a pensé. Fanny, ça pourrait t'intéresser, toi, la scène? On m'a déjà proposé de faire des. Comment? Mince. Des scènes ouvertes, des 5 minutes. Ouais, des trucs comme ça, mais je suis pas du tout à l'aise sur scène. Mais pas du tout. Personne, hein? Au début, c'est oui. Vrai ouais, non, non, mais moi, c'est vraiment pas. Bah, toi, ça se ressent pas, tu vois. Enfin, est-ce que tu j'ai es vu des passages où ça se ressentait quand même. Ah, oui. Ah, mais moi, je pensais qu'il jouait début, parce que c'est quand même un bon comédien et du coup, je pensais qu'il jouait mais sur joue, ça. Il joue, tu vois. Ah non, quand Adrien m'a vu, non, j'étais vvraiment pas à l'aise. En plus, je stressais parce que t'étais là. Hein. Non, mais ça, c'est ridicule. Non, mais c'est vrai, mais attends, alors je suis content qu'on parle. Adrien, t'es mon ami et je t'adore, mais. Moi, je sais que j'étais très angoissé de te montrer mon film aussi. Il y a un truc parce que ton avis compte pour nous. Ouais, mais c'est horrible. C'est... Mais non, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Tu connais une déclaration. Mais oui, mais c'est connard. T'es très pointu en humoriste et je me dis, bah moi, je vais forcément être nul. Mais non, mais en plus, moi, j'ai pas du tout ressenti de stress. Je l'ai dit en blague là, mais moi, j'avais trouvé ça bien, ton passage. Il est fort, il est fort. Le musique était à chier, par contre. J'avais trouvé. Ouais. Je sais pas, enfin bon. Mais il est complet tout le temps en rodage là, celui-là, ça marche très bien pour lui, marche très bien. C'est trop bien. Cela dit, toi Fanny, t'as fait de la scène sur Zen. Après c'est minime, j'ai fait 30 secondes. Mais c'est pas angoissant ça devant un ami. Ouais, exactement. Parce que t'es en direct et tout quand même. Oui. Je me chiais dessus, mais littéralement, là j'aurais pu envoyer par la poste. Moi j'étais devant Elian, je disais non, je vais pas réussir ici, je me rappelle plus de ça. Et en plus, je m'auto-détruis en fait, tu vois, avec mes pensées et tout, je suis en mode putain, je suis trop nul. Machin et tout, et je disais ça va flop, on va m'insulter parce que nanana, enfin tu vois. Et tu penses que le fait d'être une fille ça rajoute un stress pour toi? Ah ouais, vraiment. Ah, c'est horrible. En plus on m'a dit c'est trop cool, t'es la première fille à avoir fait un happening sur Zen. Dis pas mal de choses et sur l'émission, c'est trop bien. Mais ça m'a trop touché, tu vois, parce que pour la dernière émission de Zen devant Malik Bentella. Et j'ai fait ah non, franchement j'étais trop touchée, trop reconnaissante et tout, et c'est une expérience de zinzin, et ça m'a, c'est ça qui m'a vraiment aidée aujourd'hui. Ah ouais, bah génial. Dans, je sais pas si je peux dire carrière parce que j'ai pas de carrière. Non, mais si, c'est au début là, je suis à mes débuts, c'est un vrai parcours. Non, il s'est passé tellement de choses. Mais tu peux te faire confiance, t'es très très drôle. Ah, c'est gentil. Regardez-le celui-là, suce encore. Mais ça me fait plaisir. Mais pour revenir juste, pardon, je voulais te dire, il y a beaucoup de monde qui pense de toi que tu as un faciès. Oui, mais non, mais c'est avéré, ça c'est avéré. Je l'ai vu prendre la coke là tout à l'heure. Tu as un faciès d'acteur. T'as un charisme. Oui, ouais, mais cela dit, attention, j'ai vu quelqu'un dire ça pour défendre, parce que j'ai rematé votre vidéo quand je préparais l'émission. Et un des top commentaires, c'est en fait, Léopold, il a une beauté d'acteur, mais pas une vraie beauté. Il a dit ça. Ouais, bah, c'est terrible. Stéphanie, sous un faux compte, visiblement. Là, c'est moi, c'est moi en fait. J'ai juste rajouté Sté devant. J'ai rajouté Sté et c'est bon. Mais demande-moi combien j'ai de rôles à mon actif là. T'as combien de rôles à ton actif? Bah, zéro. La tête à Toto. Après, ils ont pas dit que t'étais un bon acteur, ils ont dit que t'avais une tête d'acteur. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Un Suédois a été arrêté pour conduite en état d'ébriété, mais il a conduit quelque chose de plutôt surprenant à votre avis. Une trottinette. Quoi? Mais non, ce serait pas si surprenant, Adrien. C'est vrai, un avion. Non plus. Un BMX. Non, pas un BMX. Un animal, hein, c'est un animal. Un lit qui roule. Pas un lit qui roule. De Gaston Lagaffe. Oh là, mais attends, c'est dans 15 jours. J'ai la ref là, tu vois. C'est dans 15 jours? Ouais, on fait des émissions dans le passé. On a parlé de Gaston Lagaffe dans une émission qui sort dans 15 jours. Incroyable. Putain. C'est Avengers dans ou quoi, futur ou quoi? Bah, c'est exactement ça. Bah, attends. Et donc, c'est pas un animal. Il était pas dos d'un animal. Non. C'est un véhicule. C'est. Ouais, un être humain. Ce n'est pas un être humain. Un tapis volant. Des toilettes. Ce ne sont pas des toilettes, non. C'est pas vraiment un véhicule, mais c'est un engin, voilà. Un tu peux piloter. Okay, que tu peux piloter. Un petit avion. Bah, ça ressemble beaucoup à un véhicule, ce que tu es en train de dire là. Un engin que tu peux piloter. Tu verras une chaise à roulettes. Pas une chaise à roulettes. Des rollers. Pas des rollers. T'as fait du roller, toi? Non. Non, je comprends. Un skate, je croyais. T'as une tête de mec aussi. Mais attends, on est d'accord. Roller agressif, là. Non, mais quand Aurel Sass, c'est du skate. Voilà. C'est du skate. C'est beaucoup. Tu sens le skate. Voilà, tu sens le skate. Oui, je pue le skate. À quand, là? À quand tu faisais du skate? Donc, du skate, alors? Pas du skate, non. Il y a des roues? Il n'y a pas de roues. Très bonne question. C'est dans l'eau? Ou alors des roues, les personnes rousses? Il n'y a aucune personne rousse sur l'engin. Je la note, celle-ci, pour le spectacle. Non, qu'est-ce qu'on peut piloter? Qu'est-ce qu'on peut piloter? Un drone. Oh. Très bonne réponse. Donc tu vois, c'est pas un véhicule. Non, c'est vrai, c'est dessus, vrai. C'est même la définition d'un drone. Il était à l'intérieur du drone. C'est quand le pilote est extérieur au truc. Ah oui, d'accord. Donc, des fois, on voit des vidéos genre, oh là là, regardez, il pilote un drone, il est attaché. Bah du coup, c'est pas un drone parce qu'un drone, c'est le pilote est à l'extérieur. D'accord. Voilà. Super. On en apprend de belles. Est-il possible de conduire un drone en état d'ébriété? Eh bien, oui. La justice suédoise vient de trancher par la négative. Un quinquagénaire a été condamné après avoir été arrêté. Un quinquagénaire. Oui, c'est le mec qu'on voyait. Un quinquagénaire a été condamné après avoir été arrêté en train de piloter son appareil au-dessus de la classique car rassemblement de voitures anciennes organisé en juillet. Ce qui doit être déjà interdit de base, à mon avis. Je sais pas. En ville, normalement, t'as pas le droit. Ouais, en ville, je crois que t'as pas le droit. Non. Ça dépend. Ouais, bah après, peut-être en Suède, je sais pas. À ce jour-là, la zone était temporairement fermée au trafic aérien. Donc au moins, ça tranche. Non, mais tu m'auras pas, en fait. Pourtant, les policiers ont repéré un drone survolant la manifestation. L'homme aux commandes, visiblement ivre, affichait un taux d'alcool de 0,69 litres de haut sur le sang. Ça ne fait rien. Plus, comme ouais. D'être bourré, de sortir son drone. Faute, putain. J'aime bien. Faut savoir que la Suède applique une législation particulièrement stricte en matière d'alcool au volant. La limite qui est de 0,2 grammes par litre contre 0,8 grammes en France. Voilà. C'est 0,2 okay. là-bas. Waouh. Wow. Très peu. Ah ouais. Une bière, t'es foutu quoi. T'es foutu. La Suède, je crois qu'il est le pays où les gens sont plus heureux, un truc comme ça. Ouais. C'est pas la Finlande. C'est pas la Finlande. Ah non, c'est pas la Suède. Ils peuvent pas boire. Ils peuvent pas être heureux. Je sais plus. Bon, je dis. Il me semble que c'était la Finlande, mais je dis peut-être. Écoute, en tout cas, c'est dans la Finlande. Ouais. Deuxième Danemark, troisième. Il y a pas le troisième et quatrième Suède. Mais Suède, c'est... Donc, c'est pas si ouf, je crois. En fait, la Suède, beaucoup de racistes et tout, je crois. Enfin, ah tiens, c'est pas si dingue. C'est pour ça qu'ils sont heureux. Non, mais... Ah si, là, je les comprends du coup. Interpellé, le suspect avait d'abord reconnu les faits avant de tenter d'accuser l'un de ses amis lors de l'audience. Bon, bref, en tout cas, il a dû payer 2800 euros. Ses amis. C'est bizarre. Ouais, non, il m'a fait à ma place. 2008. Non, mais il a utilisé le drone. Il a dit c'est pas moi qui ai piloté. Ah. Tu vois. Mais il a dû payer 2800 euros payables en 80 mais jours. Mais attends, donc les flics ont suivi le drone. Ouais. Jusqu'au mec qui avait la main tendue là. Il m'a dit non, c'est vous alors. Bon. Oh, je suis bourré. C'est un pote. Ah non, non, vraiment. T'avais un drone toi, une J'en ai deux. Tu l'utilises ou pas? Alors, non seulement j'utilise pas le drone que j'avais, mais j'en ai acheté un autre qui est dans sa boîte encore à l'heure actuelle. Mais après. Et bah, pourquoi t'as acheté l'autre? C'est celui qui suit ou pas? J'ai vu une influenceuse avec ça récemment. J'ai acheté le petit drone intelligent où en gros tu lui dis juste vas-y, va filme-moi. C'est un chien, ouais, c'est ça. Ramène-moi un kebab. Imagine. Ah, c'est... Là, mais là ça on est dans dingue. La science-fiction. Tu mets quelle sauce dans ton kebab? Moi je mange pas de. Enfin si, je mange des kebabs vegan du coup. Mais ça existe? Ouais, ouais. C'est des kebabs à la ratatouille, non? J'suis non, mais il m'a dit. aux graines? Non, mais à l'herbe? Arrête! Non, il m'a du 7 ans. Je sais pas si vous voyez ce ah que oui, c'est. Ah oui, très bien. Si, c'est assez bon le 7 ans. C'est beaucoup 7 ans. Le pavé de 7 ans. C'est beaucoup 7 ans. Au Tibet surtout. non. Oh, petite rêve. Ah si, si, si. Ah bah non, moi c'est ok pour moi. Toi, la sauce kebab? Laquelle sauce kebab? Samouraï ou. J'avoue, j'aime bien la sauce blanche. La sauce du chef, vous connaissez? Mais je vois très bien. Rapport au. Ouais, le sperme. Ouais, ouais, ouais, Léopold. Sauce blanche, ouais. Ah ouais. Et j'aime bien la sauce la sauce piquante un peu algérienne. Algérienne, ouais. C'est algérienne. Ouais. Non, samouraï est plus piqué. Ah, bah, peut-être samouraï, ouais. J'ai plus. Non, tu vois pas toi. Mais de toute façon, non, moi je suis pas très kebab, moi. Moi non plus. La sauce samouraï, c'est piquant. Ouais, ah oui. Ah ouais, je crois, ouais. C'est. Moi, je trouve que le ketchup est sous-coté. Oh non. Dans un kebab. Bah, c'est très bon. Allez. Non, le ketchup. Il a décidé de blesser. Non, non. Dans le kebab. Ah non, bah ça peut marcher. C'est soit t'as 6 ans et demi, ou soit bah t'as 45 ans, il faut changer ta couche. Mais. Alors, que tu prends les petits chemins de terre sourire là. Ah non, quand on peut changer la couche, on va. je les ai dans deux mois. Non, mais attends, pas du tout. Mais oui. Attends, les pommes de terre sourire, c'est délicieux ça. Arrête. Je dis, ben, là, je fais moins intéressant. Oui, j'adore ça. J'adore ça, mais sans ketchup quoi. Faut aller se faire enculer. Non, avec ketchup par contre ça. Non, mayo. Ça, moi j'aime pas. C'est mayo. Il y a la harissa dans la sauce samouraï. Je me demandais ce qu'il y avait dedans. Ah, harissa, ouais. Alors, c'est. On en apprend de belles. Donc, je dire. C'est mayonnaise. Ketchup, sambal oulek, c'est ah oui d'accord, c'est de la pâte de piment indonésienne et de la harissa. Donc il y a deux types de sauces pimentées. Ah donc ça picote, okay. Attention. Donc, attention. Alors, j'en place une pour les kebabiers, les chefs kebabiers qui appellent leur sauce secrète et qui m'agacent parce que c'est de la putain du putain de ketchup mélangé avec de la mayo. Donc arrêtez de faire croire que c'est un truc hyper magique. Il y a peut-être un autre mais truc dedans. Il n'y a pas de sauce secrète ou ça? Si, bah sauce magique par exemple à Caen. La sauce magique. Ah, mais c'est pas il y a beaucoup de chefs kebabiers qui appellent leur sauce secrète, sauce. Oui, bah ils. Ça se trouve, ils rajoutent un petit truc. Ça prend pas. La sauce là j'ai l'impression t'es dans la sauce mon pote. Non mais je sais pas, ils essaient de créer un buzz les mecs. Enfin c'est pas plus ridicule que Big Fernand qui appelle alors ça on parle pas les Fernandines. Les frites ils appellent ça les Fernandines, c'est ça. Okay, hein. Oui, le burger s'appelle le hamburger. Ah, l'hamburger. Ah, ça existe pas des frites, ça. Les Big Fernand, ça existe encore. Oui, bien sûr. Attends, mais les vendeurs portent des bretelles. Des bretelles et des bérets. Oh, c'est beau ça. Mais non, pas du tout. Mais lui, il préférait les voir à poil. Est-ce que vous, il y a une passion qui vous est tombée dessus un peu plus tard dans la vie, Quelque chose. Toi, il y a eu les imprimantes 3D. Bah, mais moi, c'est moi, une fois par mois, j'ai une nouvelle passion. Ah, trop bien. Non, mais quelque chose. Dans la vie quelque chose, en fait, un truc qui vous a passionné, qui vous passionnait pas spécialement à l'enfance. Ma copine. Oh là là, là, sale merde. Bah, t'es moche, en fait. J'ai horreur de l'amour. Je Léo déteste l'amour. Lover, c'est un Léo Lover. Léo Lover. Le marchand d'amour. Ah, c'est beau. Marchand de love. Sur son petit nuage. Album de R&B. Ouais. Léopold, ouais. T'as un truc, toi, qui t'a passionné? Qui me vient, là, non bah, le stand-up, d'une certaine manière. Bon, je fais tout. Bah, oui, ouais, ça, ça aurait fait un peu de promo très tôt. Mais est-ce que c'est sincère, déjà? Alors, franchement, oui. Ouais. Et j'ai jamais été, alors c'est assez paradoxal, mais j'ai jamais été aussi heureux depuis que je fais du stand-up. Et en même temps, je sens que je m'enfonce dans une tristesse. Une voix sans issue, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, parce qu'en fait, quand ça se passe très très bien, t'es le mec le plus heureux, ou la meuf d'ailleurs, très heureux quand tu sors de scène. Par contre, quand ça ne marche pas, je mets une semaine pour m'en remettre. Ah, mais est-ce que c'est pas la définition de la passion? Peut-être. Que c'est un peu les potards, ils sont à fond des deux côtés, quoi. Ouais, et vraiment quand j'en sors et quand ça marche bien, ou être bipolaire, c'est vraiment quasiment comme de l'AMD, quoi. Genre vraiment, c'est dingue le bonheur. Et la tristesse est aussi grande. Et ça t'est déjà arrivé que ça se passe mal? Oui, bah, quand j'étais là déjà. En rodage, oui, forcément. Mais alors, c'est, tu l'as vu en plein fouet, quoi. Il n'y a jamais eu de four ou de tunnel pendant une heure, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je sentais que c'était beaucoup plus dur. Et en fait, tu te dis, bah en fait, du coup, faut que j'efface. Tu vas t'habituer, en fait. Oui, puis tu bosses quand même. Toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup rodé, qui fait le spectacle. Ouais. Enfin, franchement, Léopold, ça fait combien d'années que t'es dessus là? Le rodage là, bah en fait, c'est parce que du début à l'idée à maintenant, ça fait combien de temps que tu travailles sur ce spectacle? Ah, ça fait un peu moins de 2 ans. Ouais, voilà, quand même. Et c'est très très jeune. Bien sûr, mais c'est déjà bien. Tu vois, je serais bon en vrai, dans le stand-up, t'es bon quand ça fait 10 ans que t'en fais, quoi, minimum. Bien sûr. Sauf quand t'as un don, mais ce que tu n'as pas. Oui, comme Panayotis Pascal. Oui, bien sûr. Ce que je n'ai pas eu. Regardez. Non, toi Fanny, il y a pas quelque chose qui t'a plu récemment? Twitch par exemple, ça fait combien de temps? Stream. Non, stream c'est j'ai découvert ça oui, c'est vrai, c'est assez récent. Bah ouais, c'est un peu une nouvelle passion. C'est vrai que c'est une nouvelle passion, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Ouais. Et justement grâce à Yass. Et je connaissais pas du tout. Et pour moi, enfin, je connaissais de nom, mais pour moi cette plateforme c'était pour les geeks vraiment. Le cliché. Ouais. Non, le cliché, tu vois. Genre, les gros puants boutonnés. Puceau Léopold, quoi. Ça fait 2 fois que je cliché. Je déconne. Ouais, mais il y a aussi des compliments, donc je sais pas comment. Ouais, c'est un pervers narcissique. Oui, complètement. Je suis complètement taré, ouais. Je rigole, bien sûr. Mais oui, du coup, ouais, Twitch. Mais c'est un peu pareil que toi. Je te rejoins sur un truc. C'est que si ça se passe mal, et ben je vais mettre du temps à m'en remettre aussi. Ah, et je vais dire, ouais, je vais arrêter. Comment ça se passe mal un live? Alors, mal, c'est. Comment dire? Enfin, ça va, ma commu est très bienveillante, mais parfois t'es pas satisfait de toi-même, juste de toi-même. Mmh. Et je suis là derrière, je sais pas quoi raconter, je suis pas forcément drôle, et je sais qu'on attend de moi que je sois tout le temps drôle, mais je suis pas tout le temps drôle, tu vois. Et je coupe la caméra, et en plus de ça, je suis un peu, et ça c'est mon problème, quand tu commences les réseaux, t'es un peu matrixé des stats. Et quand ça marche pas, je dis putain, je suis une merde, je suis nulle, je vais pas y arriver, c'est chiant, quoi. Alors que ça dépend de plein de choses, il y a peut-être tout. Plein de gens qui sont en live au même moment. Ouais, ou alors je suis simplement une grosse merde, tu peux le dire. Ça peut là, c'est ton moment de me cacher, s'il te plaît. Non. Il essaie de faire le mec bienveillant. Non, mais autant avant, j'étais un connard parce que j'avais rien à promouvoir. Là, j'ai un spectacle. Donc, oui, c'est vrai. Je suis un amour. C'est vrai, en plus. Ça se vérifie totalement. Ouais, c'est vrai. Non, mais Twitch, ouais, j'adore. Et moi, sinon, ma passion depuis petite, c'est la musique. Vraiment, j'ai une très bonne culture musicale. Et c'est grâce à mon papa qui est musicien. Le cinéma aussi. Je suis passionnée de cinéma, bien moins que toi. Enfin, j'ai non, moins non, de culture. Attends, c'est pas un concours. Oui, c'est un concours. Ah, si, si. Ah, quand même, c'est un concours. Je peux faire un petit blind test. Vas-y. Heal the world, Michael Jackson. T'as perdu. Attends, mais j'ai pas. T'as perdu. Non, mais je chante trop mal. Non. Comment t'as. Moi, je suis énorme en blind test. En plus, il a pris très très premier degré. Il joue à fond. Non, mais moi, s'il y a un jeu, je joue. On fait. Une autre chanson. Viens à la maison. Claude François. Nanana. Ah ouais, non, mais il y a quelle chaîne de magasin a décidé de se lancer dans complètement autre chose, à savoir un pub? Ah, une célèbre... IKEA. Pas IKEA. Alors c'est pas de l'alcool dans alors, tout. McDo, non? Non, il faut La grande récré. Magasin de. Où est-ce que la grande récré? Pas la grande récré. Ah, King Joué. Est-ce que c'est un peu surprenant? Orchestra. Bah oui, c'est moi, c'est une blague. Ah, orchestra, dis donc. C'est quoi? J'ai travaillé sur orchestra. Mais non. Voilà, fan de musique en fait. Mais ouais, même là-dedans. C'est quoi? Il fait quoi comme instrument, ton père? Clavier, guitare, un peu de tout. Et batterie. Ouais. Super, c'est, j'adore. Ouais, mais attends, orchestra, il y en a en. T'as grandi où, si c'est pas indiscret? Moi, je suis de la campagne, moi. Bien profond. Tu connais Provins? Mais bien sûr. Ah, bah attends, 17. C'est super Provins. 7-7 mitraillettes. Exactement. Évidemment. Une ville médiévale. Mais oui, prenez. Ah mais moi je suis un troubadour moi. Non vraiment. Mais non. Oui bien sûr, de très belles profusions d'orchestre là-bas évidemment. Exactement. Du Jiffy, du orchestre, du Babou. C'est quoi orchestre? Ah ouais. Babou, moi j'ai jamais. Non mais j'ai vu. Pas travaillé à Provins, j'ai travaillé à côté de Lyon. Oui oui. Ah j'ai... Ça reste pas mal bourlingué. Les zones industrielles. Ouais. Voilà exactement. Ouais. Donc mais pas longtemps puisque j'aime pas les enfants donc. Oui bien sûr. Qu'est-ce que c'est orchestre putain? C'est un magasin de qui vend des enfants. Je viens de dire, écoute un peu. C'est des vêtements de zéro à pour bébé. Exactement. C'est moins intéressant que ce que je pensais. Mais oui. Non, mais bah écoute, non, il y a aucun rapport avec un orchestre. Oui, en plus, oui, ouais, c'est ça. Aucun rapport avec un putain d'orchestre, quoi. Ah ouais, mais Léopold, je réfléchis, je réfléchis. Non, mais bon, faut que ce soit vivant un peu. Quand il réfléchit, vraiment, il devient muet, silencieux. C'est un magasin et de vêtements. Moche. Ce n'est pas. Ce n'est pas un magasin de vêtements. Est-ce que c'est un peu surprenant ou il y a tu dis oui bah oui. Non, franchement tu dis pas c'est oui bah oui. Est-ce que c'est un magasin de gros alcoolos non, de base non, non. Et non c'est pas non. Les caves Peugeot. Ou de gros beaufs hein. Non, pas Peugeot. Peugeot qui font des voitures et les ah, poivriers oui, aussi, c'est ça qui est marrant. Vrai, ah oui, c'est vrai. Vrai. C'est rigolo, non le bad buzz, ouais. Le multiplat. Ouais. N'en parle pas. Vous êtes team quoi vous? Non mais toi t'es trop con, arrête. Peugeot ce serait très surprenant parce que promouvoir de l'alcool pour une marque de bagnole. Ah oui, j'avoue, effectivement. Ah oui, c'est vrai. Un faut réfléchir peu, un peu, putain. Mais non, mais ah. Bon. Donc, il y a un côté un peu surprenant. Nikon. Ouais, quand même. Ah, Nikon. Non, pas Nikon. Un truc de luxe, un peu? Pas du tout. Ok. Oh, tu peux dire non, je vais pas parfum, m'humilier. Parfum. Pas parfum. Un truc de beauf? Non, bah non, non de beauf. Non, bah non. De montre. Qu'est-ce qui serait un magasin de beauf pour toi, en fait? C'est vrai que je sais pas, en fait. Bah ouais, c'est dur à dire. Si, ça doit se trouver. Des montres, des accessoires, des trucs comme ça? Non, quoi? Un sex shop? Pas, oui, pas en un vrai. Sex shop. Un sex shop, non? Pas un sex shop, mais ce serait plutôt malin, mais non. En vrai, moi, montre de luxe, pour moi, c'est beauf, mais. Ah oui, oui, oui bien sûr. Genre voilà. Rolex, par exemple. Ouais. Bah, tu sais, parce qu'il peut pas s'en payer, c'est pour ça que c'est beauf pour lui. Non, moi non plus, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que les mecs sont fans de grosses montres et tout. Moi non plus. Tout ouais. Ce qui est voilà. Clinquant là. Oh là, là. Ah, non, attends. C'est bon. T'as une fort tes poignets? Non, ouais. Il a rien. Il a rien. Il a rien, Clinton, toi. Bien sûr. La célèbre politicienne. Alors, Adrien Méniel. Adrien Méniel. Il est très rigolo. Oh, night. Ah, merci. bon, est-ce que c'est un magasin d'alimentation déjà de base? Entre autres, oui. Carrefour. C'est un supermarché, c'est alors, Carrefour. Voilà, c'est pas Carrefour, mais c'est un supermarché. Auchan? Non. Auchan? Quoi? Monoprix? Non, pas Monoprix. Cop? Non. Franprix? Pas Franprix, une marque. Ah, Leclerc? Qui fait des fois des petites collabs un peu surprenantes quand même. Enfin, Suprême? Qui... Non. Attends, c'est des supermarchés. Ouais, il fait des courses chez Suprême. C'est des supermarchés? Ouais, c'est des supermarchés. C'est, super et hyper, hein, évidemment. Hypermarché? Pas U. Mais en tout cas, voilà, tout fait. Les nouveaux commerçants, c'est plutôt un ancien commerçant. Ouais, voilà, c'est deux, je pas. C'est ce que j'allais vous dire. Ah, il y a quoi? Bon sang, bonsoir. Il nous en manque un. Ah, il nous en manque un. Ah, oui. Lidl, très bien. Ah, bien sûr. Bien sûr. L'idée remonte à 2020. À l'époque, la chaîne allemande avait obtenu un permis de construire pour créer un espace dans un de ses magasins dans lequel ses clients pouvaient consommer de l'alcool sur place. Comme une petite. Super idée. Oui, mais ils sont très forts, Lidl. Hein. En com, en. Là, ils ont sorti des escarpins. J'ai vu des escarpins. Ça... Bleu, jaune. Mais oui, ils avaient fait les pompes, les chaussettes. Et vous savez que maintenant, c'est considéré comme. Ouais, mais tu sais que maintenant, ça se revend à des milliers d'euros. Ah oui. Attends, les fringues. Ah oui, oui, bah oui. Les baskets Lidl et les elles choses. Sont hideuses d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Bah, elles sont jaunes et bleues, blanches. Non, ouais, ouais, non, ouais. Pas des clowns, ça va. mais sur ça, ça se fait de plus en plus les marques qui commercialisent des fringues un peu vintage de leur propre truc. Là, j'étais à la Poste. Et la Poste, il y avait des chaussettes et des trucs aussi. Genre avec le vieux logo de la Poste. Ouais. Ça se fait de plus en plus. Bah mais c'est ridicule. Bah personne n'est fan de la Poste. Non personne. Mais bon. Mais ça peut être cool quoi. Je sais pas. Je peux j'sais comprendre. Bah il y a le côté c'est un peu ironique genre non mais. C'est quoi tes ouais, mais bah, non, après, c'est... Ceci dit, attends, moi tu sais qu'il y a un endroit que j'adore, c'est les petites brasseries des centres commerciaux. Tu sais qu'ils sont un petit centre commerciaux pardon. Oui. Tu sais qu'ils sont j'allais dire non mais bah quoi un débile pas tu du sais tout. C'est oh, les endroits où juste avant que tu rentres des food courts un peu quoi ouais voilà ça c'est génial oh, ça j'adore ça ah, mais ouais. Ça j'adore bah là au hall là il y en a un maintenant j'aime bien les petits hot dogs là oui ah, oui ils oui sont c'est délicieux super devant le UGC venez on y va après on va faire des hot hot dog. Okay. Oh là là, quel plaisir. Il y a des hot dogs pas du tout. Non. Tu viendras. Il y a des frites, je mangerai des frites. des Fernandines. Cette salle de 45 places devait ouvrir dans l'un des points de vente dans l'enseigne à Dundonald près de Belfast. Les travaux étaient estimés à 410 000 livres. Voilà le petit détail dont on se moque. En Irlande, pour pouvoir obtenir une nouvelle licence de vente d'alcool, il faut qu'un autre établissement renonce à la sienne. Comme en France, je crois, la licence 4. Oui, il y a un nombre limité. Ah ouais? Ouais, tu peux pas tout de suite ouvrir un. J'ai un ami qui a essayé d'ouvrir ça et il a dû attendre que dans la rue, quelqu'un revende sa licence parce que sinon c'est ça faisait dans trop... la rue ou dans... en France? Okay. Je crois que c'est un truc de quartier, pas la rue. Ouais. Okay. Ce qui serait logique, tu vois, si t'as 200 c'est bars. C'est la concurrence. Bah oui, c'est ça doit encourager les. Oui, ça doit encourager les comportements mafieux, j'imagine. Je ne sais pas, je ne sais. Oh là, il y a un film des ou un colo, quoi. Tout simplement. Après, tu te retrouves avec un mec avec un drone dans la rue. Bah, tu vois ce que je veux dire? Tu vas casser la vitrine des concurrents. C'est ça. Et donc voilà, les arguments de Lidl ont été entendus parce que oui, ils ont demandé leur licence, etc. Et donc l'idée, c'est qu'ils lancent un. Pub, voilà, juste à côté de leur magasin qui appartiendrait à Lidl. Lidl, quel horrible Lidl. Allez, ouais. Prochaine news, c'est trop long. C'est bon le pub, allez. Mais je me demande quelle est la stratégie. Est-ce que c'est pour que les gens soient bourrés et après dépensent n'importe comment leur thune Ouais, je crois Lidl, qu'ils veulent quoi, juste se diversifier. Et Lidl ont sorti un truc de voyage aussi, tu vois. Ouais, mais ils veulent juste avoir. Je trouve ça assez bizarre de se lancer dans l'alcool. Bah, l'alcool, moi, il y a un côté un peu badon, quoi. Bah, tu... Après, c'est sûr. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que... C'est de l'eau, tu veux dire? Déjà, l'alcool, c'est de l'eau. Mais non, c'est juste... Enfin, de toute façon, ils vendent de l'alcool dans leur magasin, tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin, mais... Moi, quand j'étais jeune et que je traînais un peu avec des loubards, on allait au Leclerc et on achetait... Des despés. Moi, non, mais ils... Non, pas des despés, c'était trop cher, non? C'était des maximateurs. Ça se dit, ah, les maximateurs. Ouais, voilà, des trucs horribles de fond de bas de trucs là. Bien sûr. Et, classique. Et en gros, maximator. Ouais, la maximator. Mais c'est quoi ça? Non mais voilà, ouais. Non mais nous on n'est pas alcoolo, c'est pour non, ça. Non, c'est de la pisse gazeuse, c'est horrible, ouais, mais si, c'est je vois très bien. Maximator, on dirait un pseudo de streamer pour moi. Un pote à Inoxtag tout simplement, maximator. Non mais oui, c'est des trucs immondes et en gros, ils buvaient sur le parking quoi. Donc enfin, tu vois, il y avait pas une grosse différence avec je sais pas si un pub encourage à boire. Mais en plus quand tes courses tu les fais Amsterdam Maximator, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Tes courses tu les fais en voiture, donc tu bois avant de prendre. Oui, ça je suis d'accord. Tu vois, c'est bizarre. Peut-être pas en Irlande, ceci dit, peut-être que tu peux y avoir accès ouais, à pied. Vrai. Non, mais je sais pas. Non, j'en sais mais rien. T'as raison là. Mais tu vois bien. Mets-le là-dessus, ouais, t'as raison. C'était quoi la jeunesse de Léopold Le Marchand à Caen? Et bam. Ça traînait sur les le parkings. Le skate. Alors, un taré de skate. Un filou. Pareil, ça rejoint un peu le fait que je pensais être beau et en fait non, mais je pensais être cool parce que je faisais du skate et en fait finalement je baisais très très peu. Oui, mais ça. Oui, tu baisais un peu. Non. Oui, mais c'est l'adolescence. Entre plus très tard. Peu et pas du tout, il y a quand même. Non, parce que. Alors. Non, mais. À un moment dans ma vie, j'ai découvert le. J'étais au BDE et là, tout de suite. Ouais, oui, là, voilà, mais ça, c'est après. Mais moi, je te parle de les années lycées. Il y a très peu de gens qui baisent, en vérité. Il y a peu de gens qui baisent. Bah, et plus tu que ne le vois pas. Pas. Pas du tout, mais en vrai. Oui, non, mais il y a tout. Il y a tout pour faire un monde. Non, mais. Non, mais avec tes potes, par exemple. Des jeux vidéo. Ouais, ouais, ouais. Et puis. Un samedi après-midi pour Léopold Le Marchand avec ses potes. C'était quoi? Ah, le skatepark de Caen. Ouais, vraiment. Ah, ouais. C'était ouais, skate. D'ailleurs, j'ai failli tourner dans un des premiers clips d'Orelsan. Ah ouais? Oui, le clip. Avec le lapin là? Oui. Ouais. À un moment donné, il est dans le skatepark de Caen. J'ai des potes qui sont dans le clip. Et moi, alors, on connaissait Orelsan, mais bon, c'était un peu le petit rappeur canet quoi. Ouais. Et on. Bah, moi, j'écoutais pas vraiment de rap donc, à l'époque. Et oui, en fait, on s'en foutait. Vraiment, moi, je m'en foutais. Mais en fait, il y avait des potes à Orelsan qui disaient ouais, on cherche du monde pour un clip, venez tous au skatepark et tout. Et moi, je crois que je suis parti déjeuner à ce moment-là. À ce moment-là, il baisait pour la première fois, justement. Il a fait non, c'est si pas seulement, non, il a mangé un petit sandwich. Un hot dog à Châtelet. Avec le recul de dire, je peux pas être dans le clip d'Orelsan, je déjeune. Donc, j'ai raté déjà beaucoup fin, de. Des belles occasions, de coche. Tu t'es bien rattrapé en grattant le buzz de McFly. Ah oui! Oh là là! Et les vacances de Big Flo. Bien sûr, attends, maintenant j'ai les dents qui arrivent le parquet. Et donc je. Non, mais donc de l'ennui en fait. Oui, beaucoup d'ennui. Beaucoup d'ennui. Au final. Tu t'es pas amusé un petit peu? Non, je jouais à Warcraft 3 et. Ah! Alors je ne te connaissais pas ce petit café. Café. Passé de gamer. Ah oui, à fond. Ah ouais? Ah ouais, j'ai beaucoup. Ouais, je me suis beaucoup. Sur des MMO. Oui. Incroyable. Quoi d'autre, quel autre jeu si on peut. Oh, regarde enfin, là, si là, ça l'excite là, regardez. Tu vois là, bien qui fait Zelda moi. Non. Je suis pas moi, très j'adore. Nintendo moi. Ah, t'es non. Pas trop licencié. Non. Par contre si non bah Nintendo ça. 64. Ah, GoldenEye sur Nintendo 64. Bien sûr, quand je suis pas Nintendo, classique. Mais le deuxième c'est quand même un jeu ouais, Nintendo. Ma première console C'était la Nintendo 64. Alors, bon, c'était mon. C'est ridicule. Bon, bah, il est... dire, du coup, il est Nintendo. Du coup. Je vais m'expliquer. C'est juste, il est pas Zelda en fait. Ouais, c'est vrai que j'adore Mario. Bon voilà. Mais... Voilà. C'était le père de mon cousin qui m'avait emmené à Toys R Us. À Mondeville 2. Incroyable. Pour ceux qui connaissent. Et qui vont promouvoir aussi de l'alcool d'ailleurs. <tout ça. rire> Il m'avait dit, écoute, on va acheter une Nintendo 64 pour un SDF. Pardon. Et tu peux choisir ce que tu veux pour lui. Donc prends la couleur que tu veux pour la manette, machin, etc. Et en sortant du magasin. Il a dit, c'est toi le SDF. Dit, en fait, c'est toi le SDF. Je te jure que c'est ça. Il m'a dit, en fait, c'était pour toi la console. Et je me suis pas dit, mais c'est bizarre qu'il ait acheté une console de jeux vidéo. Non, mais le SDF, il va pas s'en servir. J'imagine le SDF d'abord. J'imagine le SDF devant le Toys R Us. Ah, ben je croyais, moi. Je t'ai entendu dire ça. J'ai entendu parler, je pensais. Non, mais. Ah, bah d'accord, ok. Et j'avais choisi. On se connaît pas, donc. Alors, ce qui est horrible, c'est que j'avais choisi n'importe quoi, quoi. Parce que c'était pas pour moi, donc. J'avais pris la manette verte, je m'en foutais. Pardon, hein, avec tout le respect que j'ai pour ta famille, c'est tellement bizarre de faire ça. Ah oui, de choisir un SDF, c'est étrange. Oui, c'est ridicule. Non, mais c'est trop bizarre. Il aurait pu dire pour un petit enfant. Oui, Mais non, tout était bizarre. Pour un cousin à nous. Par contre, il a quand même dit j'ai choisi au hasard pour l'SDF. Ça veut dire que vraiment, il avait aucune empathie. Vraiment, je m'en branle, donc il y avait un petit peu d'aigreur. Bah putain, mais moi je mets une Nintendo. Après, moi. C'est vrai que le truc de la question quel jeu vidéo aimerait un SDF, c'est très bizarre. Pas facile d'y répondre, quoi. C'est ça, pourquoi pas un sandwich. Je connais pas si je peux un peu discuter avec lui. Bon. Oui, voir s'il est plus FPS. Non, SDF. Fanny, c'était quoi ton adolescence? Je sortais pas beaucoup. Non. Par exemple, j'ai jamais été en boîte de nuit. C'est pas du tout pour me vanter et tout. C'est juste. Même maintenant. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais moi, je déteste aussi, pas attention. Du tout. Et parce Léopold, par contre. Léopold, ah ça y allait, en skate, il y allait en skate. Mais non, tout ce qui était boîte de nuit, à chaque fois il y a toujours des histoires, soit ça se bat, soit ça baise, et moi j'étais pareil que toi. Donc... Pour quelques billets de sang, ça part en giclée de sang par mois. Putain la vache, tu devrais en faire une chanson. Pense-y. Mais non, en fait moi mon adolescence j'ai quand même très bien vécu, pas le collège, la période du collège j'étais punk de zinzin, j'avais des pics partout, j'avais la crête rasée et tout. Incroyable. Vraiment, complètement. Mais connard, sur la vidéo de McFly. Non mais là c'était pour le podcast, là, oui, j'ai entendu 6 fois cette histoire. Mais t'as de la promo, t'as de la promo. Donc t'es punk. Mais je me suis quand même bien débrouillée, mais avec l'humour, parce que 6e, 5e, je l'ai pas très bien vécu, puisque j'étais bien harcelée. Ouais. Mais avec l'humour, j'ai réussi à toucher un peu les personnes autour de moi. Ouais. Mais je m'amusais bien comme ça. Je sortais pas, mais j'étais bien. Tu vois, mais t'avais des copines, des copains quand même. Ah oui. Voilà. Au lycée, c'était meilleure période de ma vie, je pense. Si je pouvais y retourner. J'ai passé 3 années exceptionnelles. Avec ma classe, c'était trop bien. Les profs ont rigolé de fou. Même l'école, incroyable. C'est trop bien. C'est J'adore. C'est trop drôle. Pas tellement. Le lycée, oui, mais sinon, en général, non. Non, mais moi, j'étais un peu comme toi. J'ai vécu le lycée comme l'espèce de... Ah, en fait, le collège, c'était vraiment horrible, quoi. Ah ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pas aimé le collège, pareil, je me suis emmerdé et tout. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait, ah non, vraiment, c'était horrible le collège. Parce j'avais la sensation de kiffer, me marrer, effectivement, avoir des profs un peu plus cool. Ah ouais, c'était trop cool. Ah ouais, j'ai trop bien, j'ai trop adoré. Tu vois, je faisais pas la fête, mais la fête, c'était au lycée. C'est à 8h du mat, là, cours d'histoire. Hop là, on dort un peu. Non, j'aimais bien l'histoire en plus. Ah, incroyable. Par contre, les maths, pas du tout. Si je pouvais brûler cette matière. T'avais combien au bac, Fanny? 4. Ah non, en maths. En maths, 4. Oui. Oui, non, mais en général. J'ai eu 13 ou 14, je crois. Putain, avec un 4 en maths. Oui, mais parce que j'étais en STMG. Ah oui. Donc les maths, c'était pas. Je voulais faire L, ils m'ont dit, ben non, tu vas aller en STMG, toi, connasse. STMG, c'est quoi, juste pendant? Très bien. C'est quoi STMG? C'est sciences technologiques, management et gestion. D'accord. Ouais. Okay. Ça fait chier, quoi. C'est les factures, tout ça. Mais par contre, c'est très bien parce que ça t'apprend. Moi, j'aurais adoré qu'on m'apprenne à faire ça. Ouais, bien sûr. Maintenant, je suis ridicule. D'ailleurs, en termes de factures, tu m'en dois une depuis 4 ans. Moi, je peux te la faire si tu veux, du coup, puisque j'ai fait un STMG. Mais ton FMI, petit happening. Fais une facture, Fanny. Allez, génial. Tu veux combien Booking.com. Le oui, site, hein, je parle oui, du site, hein. Bien sûr, a bien partagé sûr. Les 10 villes les plus accueillantes de France. C'est une cérémonie annuelle qui récompense chaque année les prestataires et les hébergements. C'est l'or, pardon, d'une cérémonie annuelle qui récompense chaque année les prestataires et les hébergements les mieux notés dans 220 pays en s'appuyant sur plus de 240 millions d'avis d'utilisateurs. D'accord, je vous demande d'accord. pas les villes précises parce que c'est des villes vraiment Angers. Incompréhensibles. Mais, donc il n'y a pas Angers, mais c'est vrai que c'est une très belle ville. Ouais, très chouette ville. C'est ouais. la ville qui a le. Qui fait le plus bon vivre. Oui, voilà. Comme merci, ça. Mais alors, ouais. pourquoi bah c'est assez joli, c'est assez mensonge, sympa. Il y a un Mixem qui fait passer des couches de trucs. Enfin, voilà, je suis allé à Angers. Du peu que j'ai vu, franchement, c'est pas très beau déjà. Oh là là, mais moi j'ai vu des photos, c'était très charmant. Non, mais c'est parce qu'il est allé à Angers, c'est pour ça. Je vais peut-être passer en spectacle à Angers, donc effectivement, la ville est charmante. Non, mais il y a des petits châteaux, il y a des trucs jolis. Non, moi j'ai vu des photos. Non, je sais pas, là j'ai tapé Angers, je vois des trucs qui me paraissent assez jolis. Il y a des cours d'eau, il y a des châteaux, il y a des trucs, il y a des parterres fleuris, ça a l'air sympa. Moi je. Ouais, moi j'ai envie. C'est sublime, Angers. Avec le recul là. Peut-être la plus belle ville de France. La Bretagne, je suis sûr qu'elle est dans le top 10. Alors, il n'y a pas de ville attends, de Bretagne. Il ne faut pas dire les noms de villes. Je vous donne les régions. Les régions, les régions. Ah, Normandie. Ça va aller très vite. Écoutez, la Normandie n'en le fait nord, pas partie. Le Nord. Il n'y a pas le Nord. Il y a le Nord. C'est pas possible. Arrête. Arrête. Tu me clashes ou quoi là? Déconne. Le sud, bah, du le coup, sud-ouest, Marseille, alors, le Salmon d'Espelette. Provence-Alpes, Côte d'Azur, évidemment. Puisqu'il y a la ville de Roussillon en 1. Lille sur la Sorgue en 5. Ah, toi, tu donnes les réponses. Oui, donc tu donnes les réponses. Oui, des villes, oui. Ah, d'accord. Oui. C'est là, ma soeur habite à Lille-sur-la-Sorgue. Eh ben voilà. Non mais bah, bien sûr. Mais tu en plus Non, mais c'est vraiment une super ville. Il n'y a pas Strasbourg. Mais Saint-Rémy de Provence également, en Provence-Alpes, Côte d'Azur. D'accord. Voilà. Et le sud-ouest, donc, non Le sud-ouest, c'est quelle région Sud-ouest. Non, mais l'Aquitaine Non, ça n'y a pas. On a fait tous les. Les Alpes. Bah, la Provence-Alpes, Côte d'Azur, donc. Ouais, c'est juste. Là, on se rend compte qu'on connaît juste pas les régions de France. Juste. En fait. Ah, si, Rhône-Alpes, effectivement, Arc, il y a l'Arc 1950 en deuxième. Ah oui, mais c'est les riches qu'on fait le. Oui, voilà, oui. Non, mais c'est les arcs. Non, mais oui, c'est Booking.com, donc c'est là où les gens vont aussi le plus, j'imagine. Ah bah oui, c'est ça. Ça m'étonne la Bretagne en vrai. Mais c'est pas les stations de ski où les gens vont le plus, je pense. Non, c'est extrêmement cher. Mais c'est selon les gens qui réservent des trucs. C'est faux, tout est faux. C'est Carlito derrière qui met des commentaires. Non, mais voilà, mais écoutez, je vous en donne quelques-unes. Vas-y, comme vas-y. Il y a l'Alsace qui est très représentée, okay. À ma grande surprise. Ah bah, non, faux. Si je parlais de preuve que c'était faux. Bah non, troisième. Alors, je vais vous dire les trucs. Rickvir en troisième. Ouais, bien sûr. Eggisheim en 4. Bien sûr. Et Kaysersberg en 6. Non, mais c'est Breaking Bad, ça. Je connais. En revanche, ouais, le berceau du bien-être très connu, quoi. Oui. Ouais, c'est faux. Et il faut savoir que la France arrive en seconde position des pays et reçu le plus grand nombre de récompenses de la part des voyageurs qui voyagent dans le monde via Booking. Bah, derrière l'Italie, voyager. Mais devant l'Espagne. Voilà. Attends. Les voyageurs étrangers disent la France, c'est là où on est le mieux accueilli. Ouais. Non, mais c'est faux. Tout est faux. Mais non, mais c'est Booking.com. Vous parlez. C'est Booking.com qui fait ses propres commentaires, en fait. C'est tout. Moi, je pense qu'ils ont fait l'inverse. Ils ont pris les trucs où personne ne réservait et ils ont dit oh, bah, c'est l'endroit le plus pour diversifier les réservations, quoi. Malin. C'est du mensonge. Ouais. Malin que ce lynx. Mais oui. Écoutez, bon, après, Provence à Côte d'Azur, il y a clairement beaucoup de réservations là-bas. Donc, mais donc oui. C'est faux ce que je dis. Le top, c'est. Mais ils mentent quand même. Ouais, je le sens là. Italie leader, puis la France, puis l'Espagne, puis l'Allemagne, puis le Royaume-Uni. Et voilà, je vous donne les tops. Moi, j'ai une question à poser. Ah bon ? Ouais. Oh, vas-y. Le Mont-Saint-Michel appartient-t-il pardon, je sais pas pourquoi. La faute de Zinzin. à la Bretagne ou à la Normandie ? Il est normand. Oh, voilà, okay. Merci. Historiquement, il est normand. Chocolatine ou pain au chocolat aussi ça pain au chocolat, sinon ça appartient. Bah oui, c'est. Le lait avant ou après les céréales? Arrête. Vous pissez le froc levé ou baissé? Quoi? Non, bah. Très bonne question, vous pissez assis, surtout pour les mecs, ou debout? Ouais. Moi, debout, moi. On inverse le bassin. Tu pisses sur le bassin. Je pisse debout. Par contre, je sais que les gens qui pissent assis ne peuvent pas s'empêcher de le dire. C'est ton cas, non, j'imagine, c'est ça? Les mecs qui pissent assis adorent le moi, dire. Moi, je pisse assis le matin, je me rends compte, et le soir. Bah, moi, je pisse assis parce que sinon, je pisse à côté, quoi. Bah, je pisse très mal. Tu pisses mal? Ouais, ouais, non, je pisse mal. Assis, sinon je pisse à côté. Si vous pissez assis, vous aurez une médaille qui vous sera livrée chez vous. Non, mais non, tu pisses assis, mais pas dans les chiottes publiques, quand même. Non, je pisse non que chez moi. Alors quand... Ah non mais tu pisses ailleurs que chez toi ou pas? Non. Non mais genre, ah t'as bon déjà quoi? Non. Ah bah enfin, si ouais, si. Ce que je veux dire c'est que est-ce que tu es team je fais du squat pour que mes fesses ne touchent pas ah, ou est-ce non. que tu tapisses la lunette avec moi. Du papier. Moi je fais ça. Toi moi. Tu tapisses ah, la lunette. Ouais. J'ai entendu que ça servait à rien. Une chanson de Zouk, tapisses ah la lunette. Non, j'ai entendu que ça servait strictement à rien de. Ah ouais, ouais. Alors moi je mets pas de papier moi. À moins que t'aies genre une plaie sur les cuisses ou sur le cul et auquel cas oui. des bactéries. Ouais, mais rentrer ça dedans. Me dégoûte de savoir oui. que la mais non, peau. Mais tu a vas te laver après, d'accord. Non, mais si t'as une envie de chier en Allemagne. Je trouve que le pourcentage de peau que ça recouvre, enfin la cuvette, c'est pas énorme quoi. C'est une petite partie de tes cuisses, c'est pas. Non, mais en vrai, moi en fait j'ai entendu des scientifiques dire ça ne sert à rien, machin, vous risquez rien. Par contre, jamais je m'assierai sur des chiottes publiques. Ah ouais, quoi. Tiens, ah moi, bah, moi je suis team squat, moi personnellement. Et vous frottez le gland contre la lunette ou pas? Oui, oui, ça oui, voilà, contre, d'accord. Non, mais oui, c'est voilà. Non, mais c'est ça, un moi aussi, toi aussi, toi aussi. Oui, bah, ça fait très plaisir. Non, mais on se sent moins seul. Donc, toi, tu squattes. Moi, je squatte, moi. Mais moi, ça me paraît impensable. Je me tiens genre à la poignée. Oh, ou à... De faire pipi ou caca là. Non, caca. Mais c'est pas un plaisir de pisser du coup. Mais comment tu fais? Ça doit. C'est je suis trop fort. Tu dois avoir trop mal. C'est déjà arrivé que j'accompagne une femme en voiture et qu'on doit s'arrêter sur le bas-côté et qu'elle doit pisser. Arriver à pisser en squat et tout. Moi, le squat me saoule moi. Ah, non, mais moi, ah ouais, non, c'est chiant. En fait, pisser c'est tellement une libération. Oui. Alors qu'on pourrait pisser dans ma bouche quoi. Et vous préférez faire pipi ou caca? Pipi. Si je voulais choisir comme ça, j'ai horreur de faire. Non, allez, non mais attendez, moi je suis d'accord avec ça. Je te lâche pas, Léopold. Je vais demander une précision. Après une très grosse envie ou juste comme ça? Alors ouais, une énorme envie. Ah bah je trouve le caca libérateur plus fort. Ouais, évidemment. Ouais, il est dingue. Évidemment. Ouais, ouais. Mais évidemment, c'est... je préfère faire pipi parce ouais, que caca, ça fait trop mal en fait d'avoir envie de chier. Je sais pas, il y a aucun plaisir. Non fait, parce que si, ça souvent, libère, souvent mais ça quand fait c'est mal. Un caca qui t'as très envie, c'est un caca qui est très compact. Ah, et tu le jettes comme une boule, je sais pas, ça fait c'est un bonheur sans nom. Ah, mais là, vous avez un transit horrible les deux là. Alors moi oui. Oui. Moi aussi, toi, ça te fait mal aussi. Et toi c'est genre une boule compacte. C'est du bowling. Terrible. C'est quelqu'un qui joue au bowling. Manger des coscopies récemment. Expulser un bout de son intestin. Non mais j'ai fait une coscopie récemment et j'ai une inflammation du côlon. Ouais, tu me l'as dit. Alors. À cause d'une vidéo de Maxime Biaggi où on a mangé des piments et la vidéo n'est même pas sortie. Ah oui. D'ailleurs, tout le monde fait ça maintenant, là, le truc des piments, je remarque. Les gens, c'est à vie en plus, toi. C'est toute ta vie. Oui, je suis sous médoc à vie, ouais. Ah ouais. Pour l'inflammation du côlon. T'es pas ouais. sûr parce que ce soit à cause de la fire, vidéo. Fire, mon pote. Bah, pas en fait, sûr que ce soit à cause bah, de la vidéo. Depuis, c'est un mois après, j'ai commencé à avoir des problèmes de ventre. Oui, et... mais peut-être que ça. Ouais, je sais pas. Ça peut-être aggrave. Ouais, je sais ouais pas. Non, mais des fois, c'est un petit truc que t'as en toi, et voilà, c'est il vit en toi, le roi Lion 2. C'est ça. Ça paraît fou qu'à vie, parce que t'as mangé des piments. Je sais pas trop. Ça peut arriver. Non, non, mais si, moi ça j'y crois. Des trucs qui te réveillent d'un coup et ça reste jusqu'à la fin de ta vie, c'est des trucs qui. Vous avez déjà fait une coscopie? Non, jamais non. Moi. Ah, c'est horrible. Hein. Ah ouais. Enfin, bah, la coscopie, il faut le faire. Hein, on le rappelle, passer un certain moi, âge, c'est important. J'ai déjà pris deux doigts dans le cul, mais. Wow. Non, non, non, il y a une explication. C'est de là. Oui, c'est là. T'as vraiment. Il y a une explication. Vas-y. C'est gastro-entérologue. Bien sûr, mais moi aussi. Tu sais, t'es à quatre pattes comme ça et ils te font, bon, allez pousser. Serrer, pousser, serrer, voilà. Ah ouais. C'était couper, décaler. Ouais, casse la démarche. Pas comme Samuel Lumtiti, par contre. Mais oui, moi aussi. Ouais, moi quand j'avais. Pas très agréable. Hein. Ouais. Non, pas dingue. J'avais 6 ans en plus, donc vraiment pas. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est parce que j'avais l'appendicite. Et du coup, pour tester que t'as l'appendicite, on te met un doigt dans le cul. Ah non. Ah bah. Enfin, je l'ai eu l'appendicite, on m'a pas mis un truc. Bah, pour être certain, c'est un des moyens. C'est comme. Ouais, bien sûr. Parce que vous avez vu l'appendicite ici? Ouais. Ouais, toi? Non, non, non, eh, non. Moi, Léopold, je suis comme toi. Je me dis, est-ce qu'on. J'y connais rien. Est-ce qu'on peut mourir sans avoir eu l'appendicite? Oui. De toute ta vie, jamais. Je croyais que tu disais. Non, pas on en peut mourir. Ah ouais, parce qu'on peut en mourir. Oui, contre. Ça je sais. Ah bon? De la gangrène, ouais. Ah. Ouais, ouais. Elle peut se gangréner. Ma question, c'est est-ce que tu peux vivre toute ta vie et ça ne se déclenche jamais? C'était ça ma question. Je pense, oui. Comme la varicelle, il y en a, ils l'ont jamais eu. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est dingue. Il y en a, ils l'ont jamais eu, la varicelle. C'est les 50 ans de TF1. Quinquagénaire TF1. Et sachez qu'il n'y a qu'une seule émission qui a survécu de la création de la chaîne à aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. À votre avis, laquelle est-ce? Les infos. Bah oui, alors, c'est les pas infos. Les infos. Non, le JT est arrivé plus tard. Un et surtout, a changé de formule. C'est pas la nuit. Le matin? Le jour du Seigneur. Je sais pas quand c'est. Non, le jour du Seigneur, c'est même pas sur TF1. C'est France Télé. C'est nos impôts, je rappelle. France 3? C'est France 2. Ouais. Dieu n'existe pas donc. C'est pas très intéressant. J'ai pas l'horaire. J'ai pas l'horaire, mon bon Léo. Ok, donc tu fais les choses à moitié. Et en parlant de choses à moitié, je me rends compte que j'ai pas mis de déo et je pue. Voilà. Donc t'en veux, j'en ai. Hein. Non, surtout pas. Non mais j'en mets jamais de déo moi. En pchine. Mais jamais de déo. Non. Mais bon, je suis pas des aisselles. En plus. Attends, c'est fou. Non. Ah ouais. Même quand je fais du sport, je suis pas forcément. Ouais. Ah ouais, c'est dingue, ça. C'est dingue. Ça plus le transit, peut-être. Mais peut-être que c'est moins intéressant là. Peut-être. Tu me dis, hein. Il va pas tarder à nous dire qu'il a pas de nombril. Ok. Ok, Kali Sigret. Alors à votre avis, vous pouvez poser des questions sur quel genre d'émission c'est. C'est en spray, hein, Adrien. C'est non, mais c'est en stick. Hein. C'est un access prime time. Un access prime time. Ce n'est pas un access prime time. Divertissement. Oui, plutôt, mais aussi t'apprends des trucs, voilà. Bah c'est pas Arthur du coup. Non. Donc c'est un peu scientifique. Pas scientifique, non. Non. Non, on apprend des trucs sur un sujet particulier. C'est une émission sur un sujet. C'est connu. Particulier. C'est très connu. Égal M6, ah ouais, c'est la meuf qui. Égal 1. Égal 1. 30 millions d'amis. Non, pas 30 millions d'amis, mais voilà, là tu es sur un truc effectivement. Comment il s'appelait le présentateur? Le chien. Non. Alain Bougrain du Bois. Snoop Dogg. Ah oui, Alain Bougrain du Bois. C'est très niche. Alain Bougrain du Bois. Oh non, c'est très niche. Attends, j'explique pour les auditeurs. C'est trop con. Parce qu'on parle d'une émission animale. Et je dis niche par rapport au chien. Stop. On arrête là. Allez, stop. Au revoir à tous. Il nous lâche des pépites de son spectacle dans le podcast. Mais oui. Enfoiré. Pourquoi ce chiffre 30 millions? Je me suis toujours posé la question. Parce qu'il y en a. Ils ont compté. Il doit y avoir 30 millions d'animaux en France, j'imagine. Ouais, mais c'est énorme, je trouve. Tu peux regarder sur internet combien il y a d'animaux. Non, en vrai, d'animaux, ça paraît même très peu. Ça doit être 30 millions d'animaux domestiques, je pense. T'imagines, il y a combien de Français déjà en France? Bah, 60 millions d'animaux, ça me paraît énorme. Ça veut dire. Non, d'animaux domestiques. Bah oui. Ouais, c'est rien, on est cool. Non, en vrai. Ça veut dire deux humains pour un animal. Je sais pas. 65 millions. Oui, c'est ça. On va rajouter 5 millions d'enculés. Vas-y, on va. Je cherche en même temps. Ok. Il y a 16 millions de chats et 9 millions et 10 millions de chiens. Donc c'est 26 millions de chats, pas loin de 30, effectivement. Ah, voilà. Après, il y a les lapins, il y a les rongeurs, les trucs, machin, on arrive à 30. Puis après, il y a les artistes, voilà, on les met. Non, mais on arrive à 30. On arrive à même plus, en vrai, parce que si on commence à compter les oiseaux de basse-cour, il y a 9 millions. Les lombriques, c'est ça, 2,5 millions d'animaux de terrarium et il y a carrément 30 millions de poissons. Alors ça pourrait directement s'appeler 30 millions de poissons. Vraiment, après, le chiffre a dû grimper depuis. Ouais, du grimper du bourg même. Pas mal. Donc c'est pas les animaux, c'est quoi? Non. Alors, un truc à un rapport avec la nature? Non, pas la nature. Qu'est-ce qu'un sujet? La météo? Pas la météo. Ah, mais c'est vrai que la météo, on aurait pu y croire. Ouais, mais après, la météo, elle est partout. La pasta. Oui, mais là, c'est une émission en vérité que tu peux. Alors, c'est même un indice. Il y a exactement plus ou moins la même émission sur M6. Okay. Sur le même sujet, voilà. Mais c'est fou. C'est ça. Pas téléachat. C'est pas le téléachat, okay. Mais très bon guess. Mais c'est un truc où on apprend des choses. Sur un sujet très particulier. Oui. Et un peu d'actualité aussi. Enfin, voilà, plein de choses. Mais dis donc. D'actualité sur un sujet c'est particulier. C'est pas tout ce qui est télématin, non. Non, pas télématin. C'est France 2. Automoto, un truc comme ça. Non, mais j'ai peur d'Arthur. Automoto, un truc comme ça. Un truc sur les voitures. Ah bon. C'est Automoto. C'est Automoto. C'est Automoto. Et ouais, bravo. Bravo. Adrien, le foot bagnole, c'est vraiment trop un loulou ce mec. Vroom, vroom. Le multiple klaxon. Automoto est la plus ancienne émission de TF1. Fan de voiture? En mode pierre ou quoi? Ouais, non, peut-être pas en mode pierre quand même. Automoto est la plus ancienne émission. Plus ancienne émission de TF1 et l'une des émissions de télévision, mais émission la plus grande longévité. Et à votre avis, c'est qui les autres émissions en France qui sont pas de TF1 aussi longues? TPMP. Turbo? Non, pas TPMP, pas Turbo. Mais en plus, elle Turbo va bientôt partir. Mais hop. Oui. Non. Ça va partir sur W9, non? On sait pas, Adrien. Putain, ça remplace les Simpsons, ça me fait bien chier. C'est vrai que WF avant c'était tout le temps les Simpsons, c'est ouais, trop bien. C'est après bien. Ils ont tout enlevé. Ah, vraiment. Faut mettre ça au Spark maintenant. Remettez les Simpsons sur W9, merde. Ouais, c'est bien mettre en fond ça. Voilà, un petit peu. En fond, pas du tout. Devant. Ouais. Ah bon. Mais Automoto, moi je regardais, j'adorais. Pourtant, je suis pas fan de moto, de bagnole, ni de bagnole, ni de moto. Mais je trouvais ça trop cool. Ah ouais, mais on l'a jamais vu, je crois. Alors, c'est très marrant ce que tu dis, parce que donc en gros, une autre des émissions, parce que je vois que ça vous intéresse pas, mais si, je vais vous dire. J'avoue, on était l'autre émission qui a la plus grande longévité, et moi, des fois, je pouvais tomber dessus. Alors, chasse et pêche. Non, mais où ça ne m'intéressait pas, mais t'es pas si loin. Pêche. Pêche et chasse. Ah, Thalassa. Thalassa. Ah, Thalassa. Et ben moi je pouvais des fois zapper sur Thalassa et rester un peu. Ouais, mais Thalassa c'est beau. Avec Georges Bernou. Il y avait Ushuaïa aussi. Bien sûr. Ushuaïa nature. Ça existe toujours, non? De quoi? Ushuaïa. Thalassa. Ushuaïa, non. Thalassa, c'est possible que ça existe encore. En fait, mais c'est plus Georges Bernou qui nous a fait. C'est plus sur France 3, c'est sur France 5, je crois maintenant. C'est possible. Oui, ça a également sous-titré Le Magazine de la Mer, puis Aventure Extrême. Ah oui, complètement ça. Bah après moi ce que j'allais dire c'est au bout d'un moment la mer, bon, il y en a beaucoup sur terre mais t'en as fait le tour quoi. Ouais. Oui, on va chercher un poisson, bon là il y a une mer là, bon. Oui, bon bah il y a des baleines ou quoi. Attends, justement, il y a mais un monde... Mais j'ai jamais regardé, mais il parlait des fonds marins aussi. Oui, de tout, ah, de okay, tout. Et puis, bah, en fait c'est ça qui est fou. Les fonds de couilles aussi. Vous en parlez. C'est ça m'intéresse. C'est ça qui fout avec l'océan, c'est ça qui fout avec l'océan, c'est qu'en fait c'est les gens l'océan. Fou de l'océan. C'est que les gens sont dingues de l'espace, etc. Alors que t'as une, des vies, des créatures presque surnaturelles dans l'océan. Et puis ça, on connaît fascinant. Pas tout de l'océan. Et on connaît pas tout. Il y a plein de trucs inexplorés. C'est un monde incroyable. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai envie de regarder Thalassa, là. Je suis un peu sérieux, en plus, ça qui est terrible. Ah, mais non, mais... Et à votre avis, c'est quoi les autres émissions? Alors, Le Jour du Seigneur, effectivement, a duré très longtemps. Des chiffres. C'est fini, ça n'existe plus. Des chiffres et des lettres. Encore des chiffres et des lettres, ça, ça a été arrêté, hein, faut le dire quand même. Ça, c'est fou. Motus, c'est ça. Question pour un champion. Question pour un champion ne fait pas partie de la liste que j'ai. Il y a Automoto, effectivement, et Stade 2. Bien sûr. C'est vrai, question pour un champion quand même. 2, ouais. Mais question pour un Samuel champion, c'est vrai. D'ailleurs, on l'embrasse. On l'embrasse. Pas forcément. C'est un cousin, c'est un cousin. Question pour un champion, ça dure depuis. Attendez, j'essaye de voir. Ah quand même, ouais, depuis 88 hein, et on est en 2024, donc oui, si quand même, ça date. Tu m'étonnes. Bah, c'est votre âge, non? C'est un peu moins. De quoi, attends, de quoi? Quelle année t'as dit? 88, non, moi je suis j'étais plus jeune. J'étais 8 ans. Ouais, moi je suis en 91, ah, donc voilà. Sur TF1, l'émission qui arrive calme en deuxième, toi. Déjà calme-toi. Pardon, oui, c'est j'avoue. Vrai. C'est vrai, je... Oui, il y a eu un petit... Ouais, j'avoue, panique, pourquoi tu redescends? Eh oh! Ça va, c'est pas comme t'es moche comme Léopold. Oh là là. Gratuit, bon. Moi j'aime bien. T'es beau, t'es beau. Oui, non, mais je sais, je me permets. Alors attention, tu fais pas des TikTok sur moi, attention. Non. Non, mais je me permets parce que t'es charmant et beau. Automoto. Je t'ai vu torse nu tout à l'heure en plus. Oh, c'est sublime, c'est sublime. T'as apprécié? Ouais. Ah bah c'est gentil. Non, mais tout est très bien. Hein. De belles mains aussi, d'ailleurs, je me permets. Bah attends. Dans quel contexte? Non, t'as de belles mains. Ah, il l'a sucé. Je fais attention, les ongles, je déteste les ongles rongés et sales. Et trop longs. T'as des mains de pianiste. Bah attends, mais c'est ma journée. Bah oui, non, je te promets. De belles épaules aussi. Il a de belles épaules. Très aussi. Belles épaules. Ah ouais, surtout les épaules. À un moment, j'ai failli lui demander de me porter. Sur ses épaules, hein, j'entends. Bien sûr, bah, pour un concert à Taylor Swift. Je voulais être sur ses épaules. Donc, Automoto, elle a été créée le 11 janvier 1975 par Jacques Bonnecarrière. Et on lui souhaite. Ah bah dis-donc. Ah, pas mal. Jean-Pierre Chapelle, Georges Decaune et Jacques-Virgile Villa. Puis ça a été Charles Villeneuve évidemment en 2004. Ensuite c'est Téléfoot qui a duré quand même 48 ans. Pas mal. C'est fini Téléfoot aussi. Non, ça continue, mais ça a été créé après. Donc ça a la formulation prête à penser à chaque fois que c'est fini. Alors ça fait 48 ans que ça existe, voilà. Téléfoot. Le JT, ça fait 44 ans. Et Koh-Lanta, ça fait 24 ans quand même. Les enfants de la télé, 22 ans. Le droit de savoir, 18 ans. Qui veut gagner des millions, 16 ans. Enfin voilà, il y a plein de. Ok. La télé ne se renouvelle pas. Et puis, c'est ce que dit l'article. Ça, c'est le retour en plus de vieilles émissions qui reviennent. On parle du Big Deal. Bien sûr. De la roue de la fortune, le juste prix. Tu me fais. Une passe D. Une passe D, parce que voilà. J'ai un petit peu call out RMC Story qui m'avait promis le Teddy, la veste du Big Deal. Oh, et je l'avais pas reçu. Donc je les avais un peu call out dans une émission. Bon, je l'ai reçu. Oh, j'ai la veste du Big Deal, je l'ai reçu. Merci RMC Story. La nouvelle veste de Vincent? Ouais. Alors, c'est pas vraiment. J'aime bien que tu l'appelles Vincent déjà. Ça me plaît. Comme mon il a fait une gaffe. Mais... Oh c'est son ami Vincent. Non, mais je l'ai amené, je voulais vous la montrer. Ah ouais. Ah ouais, je veux. Parce que je me suis dit, je vais la mettre sur la photo. Oh comme là, ça. Tu régales. Comme ça, j'aurais pas à faire une story. Oh là là, j'ai que ça à mettre autour du cou. Incroyable. Non, mais voilà. Non, elle est bien. Elle est très belle. Est-ce que vous avez pas peur que Internet devienne la télé? Devienne la télé, ouais. C'est déjà le cas, ouais. C'est un peu le cas, mais vrai. Ouais, non, bah j'ai pas. Non, mais. Quand Squeezie a fait Qui est l'imposteur, qui est un très bon format, mais moi, quand j'étais petit, il y avait une émission que j'adorais. Qui est qui? Animée par Marie-Ange Nardi. Ah ouais, génial. Et c'était Qui est qui? Et c'était pas loin, c'est-à-dire que tu avais des métiers et t'avais des gens et tu devais dire, ok, quelle personne fait quel métier. Et après, il y avait des activités pour faire ces gens pour deviner, effectivement. Bon, bah ok, maintenant, clairement, c'est un boulanger, et voilà. Ouais, maintenant, ça a glow up, c'est devenu patron incognito, tu vois. Non, mais tu vois, et du coup, ce que je trouve cool en plus chez Squeezie, c'est qu'il y a des guests, c'est ce mélange-là qui est intéressant. Mais moi, j'ai pas peur, en tout cas pour l'instant, parce que je trouve que, contrairement à la télé, sur Internet, il y a quand même une coexistence des trucs très pro et des trucs juste... Oui. Tu fais un stream chez toi à l'arrache, et les deux existent, et il y a beaucoup de public pour les deux, quoi. Et c'est ça que je trouve cool sur internet. Évidemment, à la télé, t'as pas des mecs qui se filment dans leur salon, quoi. Donc, je suis d'accord, mais d'un autre côté, ah ouais, love story. Le problème, c'est que lorsque des personnes proposent des gros concepts bien établis avec une grosse prod, derrière, quand toi t'as moins d'argent et que tu proposes un truc qui est moins, qui est plus, enfin, c'est pas que c'est plus authentique, mais disons que plus homemade, système homemade, ouais, voilà. Exactement. Ouais. Et ben, ça va parfois moins marcher, je pense. Tu bah, le sens pas, moi, je suis pas sûr, moi. Mais moi, après, ah ouais, on est, bah, parce que les gens sont tellement habitués, ouais, vous voyez. Ouais. Mais je peux l'entendre, ça. Nous, on est tellement bah, plus moi, dans je sais pas, game. Moi, j'ai l'impression que les deux existent assez bien et que vraiment, les streamers qui cartonnent, c'est vraiment des gens, c'est dégueulasse. Ils se non, c'est vrai. Bah, Kameto, très longtemps, j'étais genre, bah, enfin, tu es millionnaire, mais un poster, quelque chose. C'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Je trouve que les deux coexistent bien, quoi. Mais c'était Terracid, j'ai vu une vidéo passée de Terracid, il disait un truc justement là-dessus où des fois il y a des jeunes streamers qui justement en se lançant sont déjà dans un décor de ouf avec des néons et trucs, et il disait ça fait presque l'effet inverse. Ouais. Ça fait genre, en fait, ça a l'air trop pro, mais vu que tu l'es pas, oui, c'est moins bien. Créer une attente. Alors que c'est plus excitant d'avoir, enfin, plus excitant. T'es plus avec la personne si, bah oui, il est dans sa chambre et c'est un peu le bordel, mais au moins. Ouais, mais du coup, tu vois, tu parlais de Kameto, et ben comme tu l'associes, comme on se dit, bah il a forcément de l'argent, on attend quand même de lui qu'il fasse une meilleure déco. Oui, au bout d'un moment, ça viendra. Tu vois, tu vas faire un truc quand même homemade, mais à un moment donné, ils vont dire, bah ça y est, frérot, on sait que t'es millionnaire, t'as de l'argent, fais un truc un peu plus pro, tu vois. On mais attendra quand même de toi que tu glow up. Donc au final. Mais les gens, ils fois, aiment bien ce côté un peu sincère, authentique. Je sais pas ça, tu vois, parce que moi, quand. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné. Oui, mais... Depuis le Covid, encore plus. Mais à un moment donné, ils vont quand même dire, ouais, tu joues un peu trop le pauvre ou un peu trop. Oui, le... ah, ouais, tu ouais. Voyais oui, ce que mais je veux après, dire, ou pas ça, il y a toujours après, des gens. Oui, mais tu vois, moi, je pensais. Oui, qui casse tous les couilles, en fait. Allez tous vous faire enculer, en fait. C'est la punk, là. La crête est revenue. Là, je suis rock'n'roll. Non, mais tu vois, quand Amine avait changé son décor, et c'est là où vous voyez que je suis un mec qui a le pif sur Twitch, je disais, oh là, mais là il fait une erreur. Parce qu'il va casser justement ce truc. Ouais, quand j'avais vu son décor, qui a une espèce de long couloir avec des néons partout, des écrans géants, machin, j'étais genre, bah là il casse le côté un peu chouette que les gens aiment chez lui. Moi je suis d'accord, c'est trop grand par contre. Mais en fait, les gens n'ont aucun problème, tu vois. Au contraire, c'est maintenant la plus grosse resta de Twitch, tu vois. Ouais. Donc ça n'a pas cet effet vraiment. C'est que ça je pensais. Qui est encore cool sur internet, c'est qu'il y a un côté, c'est vraiment la personnalité. Ouais. De l'individu qui va primer sur tout le reste. Ouais, c'est vrai. Et tu peux être juste te filmer chez toi dans un décor de merde. Et si t'es marrant, bah t'es marrant. Il y a une émission à laquelle vous aimeriez participer de Téloche. Touche pas à mon poste quand même. Oui, parce que t'as 2-3 trucs à dire. Ouais, 2-3 trucs à dire. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas, un jeu, t'es. Koh-Lanta, vous aimeriez bien le faire, vous? Non, moi pas du tout. Moi, je regarde pas. Je pense que le seul truc qui me ferait chier, c'est la douche. Impossible de pas me doucher, quoi. Moi, c'est la vie en communauté. Tu pourrais pas être streamer. Oh non, les streamers puent, les streamers puent. J'ai les noms. Non, je sais même pas ce qu'il y a tellement comme émission. Ou comme des émissions que tu regardais quand t'étais jeune. Ah si, Rendez-vous en terre inconnue. Ah ouais. Pas du tout. Ah tu vois. Moi j'aimerais. Je suis fascinée par le mélange de cultures. Là, c'est pour préciser que je suis pas raciste. Prends-toi un billet de train, il a dit. Et bon, en Italie, il fait pas chier, connasse. Bah, vous faites des pizzas. Je fais une terre inconnue, vas-y. Et... Non, Léopold, rien. Même pas un petit jeu. Big Deal, j'aimerais bien participer. Et bah, pas moi. Et bah, revoyons le Big Deal. Moi, j'ai pas revu le nouveau. Non, mais c'est le même. C'est le même. Ah, ok, d'accord, c'est la même chose. Non, mais je n'aimerais pas participer. Par contre, mais j'adorerais regarder, discuter quelques minutes avec Bill, évidemment, mais faire quelques jeux de mots avec Ramucho, peut-être. Très bonne vidéo d'ailleurs de Sylvain, j'ai regardé, elle est sortie. Oui, super, très bien. Ça m'a donné envie de participer. Les coulisses, ouais. Mais je trouve que participer, justement, c'est quand même beaucoup des jeux de kermesse. Attention, je mets un K majuscule au mot kermesse. Mais c'est beaucoup des trucs où t'es accroché, on te balance des ballons. Enfin, c'est pas, moi, je serais pas à l'aise avec ça. Alors, je reviens sur ma décision, pardon. Il y a un jeu que j'adore. Et je regarde dès que ça passe, ça s'appelle 100% logique. Je trouve ça génial. Cyril Firon, non? Oui. J'adore. Alors, si m'écoute pas. Hein. Mais j'adorerais participer. Inscris-toi, je pense que tu peux participer, du coup, non? Ouais. Tu voudrais être un peu pistonné parce que t'es connu? Ah ouais? Ouais, je comprends. Je vais l'appeler. Ta de toute façon, moi, c'est ma nouvelle méta, moi. Je réclame des trucs. Et je il les a. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas fait pendant. Et pour le moment, il les a, ça fonctionne. Et là, je réclame et j'obtiens. Donc, Bah, tu crois qu'il a eu ses vacances avec. Bien sûr. Big Flo comment? Bien sûr. Mais moi les jeux de quiz j'adore ça. Ah, c'est tombé en zappant sur le grand concours des animateurs. Ah c'est super ça aussi. Et ouais, j'adore. Oh, j'ai vraiment comme super. Un vieux. Je connais pas ça. Bah c'est juste des animateurs de TF1 qui s'affrontent quoi sur des questions. Et avec ouais, et le perdant est viré de la chaîne. C'est jamais. Non mais c'est, et il y a plusieurs manches, et première manche c'est une question avec QCM. Après il y a un truc, tu dois choisir si t'as le plus de points, tu choisis ton, comment on appelle ça, comme au trial poursuite, tu choisis ton ta catégorie. Ouais, ouais. Et en une minute tu dois répondre à au plus de questions possibles. Donc c'est vraiment des quiz très basiques, ouais. Mais j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. J'aime bien, et je joue. Moi je vous le dis, je joue quand je regarde la télé, je alors joue. Que t'aimes pas trop les jeux de société, c'est ça qui est marrant. Allez, j'adore les quiz. Tu connais Tu te mets combien ou mais pas bien, on y a joué, Adrien. On y a joué. Mais oui, on a même eu ce débat sur Tu te mets combien, c'est super, mais des fois les blagues qu'ils mettent dedans ne sont pas obligatoires. Ouais, ouais. Ouais, oui. On y a joué quand? Je suis sur une carte de Tu te mets combien. Pardon. Bien, je suis sur une carte de Tu te mets combien. Ah oui, c'est quoi la question? Mais si, t'étais dans le groupe, c'est Big Flo qui nous l'a envoyé. Toi, tu es. Ah bon? En gros, il y a. Pas regardé. Mais non, mais attends, j'ai oublié. Non, mais on est dans un groupe WhatsApp avec Big Flo et. On n'y a jamais joué, je pense. Je pense qu'on y a joué. Et dans la carte Big Flo et Oli, c'est quel est le surnom d'un des deux frères? Big Flo, Flaubert ou un autre truc? Ah ouais? Ben oui, c'est Big Flo qui me l'a envoyé. C'est fou quand même. On n'y a jamais joué, je pense. Ah, vraiment, je vois pas. Je vois pas. Si, si, non, chez non. moi, je crois. Si, si. Non, moi je la fais. Bon, en tout cas, un super. Mais c'est un super jeu. Et ils l'ont adapté à la télé. Ils l'ont adapté à la télé. C'est vrai? Ouais. Sur quelle chaîne? TF1. Bah, il passe pour dessous par TF1. Attention, je fais beaucoup de. Mais par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de talk show. Ah non, de late show. Ouais, de late show. Ils ont essayé plein de fois, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et oui, ça serait super. Et ça fait partie des deux. Arlésienne, j'utilise des petits mots les sketch comme show ça. Les sketch shows et les late shows, c'est ces trucs très américains que la France a essayé. Ouais, Mustapha El Atrassi à l'époque, ah oui, oui c'était pas mal, avait essayé, et de mes souvenirs en tout cas, c'était pas mal parce qu'il avait ce mélange d'animateurs, mais quand même, il faisait des vannes et machin. Et je crois que c'était sur Energy 12, je crois, à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez aussi de Groland? Bien sûr, oui. Mais ça existe toujours, hein, Groland. Ah, oui. Mais d'ailleurs, il y a Douli qui anime le Groland, bien sûr. Moi j'avais même envoyé un courrier. Parce que j'avais pas Canal, mais j'avais pris l'abonnement d'un voisin pour envoyer un courrier pour recevoir ma carte d'électeur du Groland que j'ai encore. De la précipité du Groland. De la précipité du Groland. Et puis il y a le sticker derrière le. Oui, derrière la voiture. Bien sûr, j'ai eu le sticker. Moi j'ai eu aussi, je crois. Et j'ai une photo avec Julien Edouard Moustique. On fait tous les deux un doigt d'honneur. Où on les a, ces stickers? Il fallait envoyer un courrier, je crois, pour les. Oui, ou ils étaient offerts dans un magazine. Ceux qui étaient abonnés à Canal l'avaient reçu, je crois, avec le. À l'époque. J'étais pauvre, donc non. Moi non plus, j'avais pas Canal. Mais j'avais réussi à choper le sticker. Aurélien Prévost est dans un ou deux épisodes. Mais attends, mieux. Aurélien Prévost joue le fils de la version de Groland de Sarkozy. C'est pas vrai? Allez-y. Ouais, avec ses cheveux longs et tout, il se fait gifler souvent. Baffe. Ouais. Jean-Jean, c'est génial. C'est Jean-Jean, le fils du président. Du président de Groland. Du lord de Groland. Bien sûr. Il avait joué Jésus aussi, je crois, il me semble. Un truc comme ça. Ouais. Extraordinaire. Chers amis, ça fait une heure et demie qu'on parle. Là. Alors là, vous vous rendez pas compte, les auditeurs, parce qu'on a coupé 25 minutes, mais ça fait une heure et demie qu'on parle. Et comme à l'accoutumée, on va faire un dernier tour de table pour voir si vous avez des recommandations culturelles. Alors en gros, ça peut être un truc que vous avez aimé dans le domaine du cinéma, de la musique, de la télé. Ça peut être un youtubeur, ça peut être un Twitch show, bien sûr, des bouquins. Des trucs que vous avez testé récemment et que vous appréciez. Bref, tout et n'importe quoi. Et j'ai envie de commencer avec ce marchand de bonheur qu'est Léopold. Alors moi je vais vous proposer un groupe de musique américain qui s'appelle, je regarde, Joey Valance and Bray. Okay. Ah, c'est les rappeurs qui plagient les Beastie Boys. Ouais. Ok. Voilà. Donc je passe à mon autre qui est un humoriste. Non, mais attends, mais c'est quoi? Il a tout résumé. Ça, là, c'est une pâle copie de Beastie Boys qui ont percé sur TikTok. Je sais pas, moi j'ai découvert. Non, mais c'est vachement bien. J'ai, en fait, t'en as parlé tout à l'heure et je me suis rappelé que j'avais entendu. J'adore. Mais c'est cool. De toute façon, Beastie Boys, il est décédé, un des trois, donc oui, on en a plus. Non, mais après, voilà. Regarde, nous, on est les grosses têtes. Non, mais c'est parce que quand ils sont lancés, ils disaient, ouais, on a un style un peu old school. Non, c'est les Beastie Boys. Et après, c'est bien, mais c'est vraiment. Alors, je sais pas écouter l'interview, mais j'adore leur musique. Ouais. Par contre, ouais, c'est très cool. Donc, comment ça s'appelle? Ah, attends, je regarde. Oh merde. Tu cherches quoi? Joey Valance and Bray. Voilà, c'est ça. Joey Valance and Bray. Et sinon, j'ai un humoriste que je suis depuis peu sur Instagram qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Ryan Goodcase. C'est lui qui a le blond avec des lunettes, oui. Et qui a fait le truc sur l'astrologie là. Ouais, exactement. Il est drôle. Il est hilarant. À chaque fois que je vois un réel de lui, je rigole. Oui. Donc, et c'est filmé ou c'est un sur scène? Ouais, il se filme sur scène. Ouais, c'est des petites captades quand il est en comedy club. Et d'accord. Franchement, il est très très fort. Voilà. Très bien. Il a un style un peu deadpan, genre il a, monotone un peu. Un peu monotone. Ouais. Et c'est vrai qu'il est marrant. Il avait fait un truc sur l'astrologie où il disait qu'il croyait pas en l'astrologie. Ouais. Et genre, il dit bah, moi, ouais, je suis scorpion. Donc, t'as une meuf dans le public qui fait ah, j'en étais sûr. Il fait ah, ouais, c'est fou, bah, je suis pas du tout scorpion en fait. Ouais. Je suis sagittaire. Et il y a une autre meuf dans le public qui fait ah, mais j'en étais sûr. Il fait mais c'est fou parce qu'en fait, je suis pas du pas tout sûr. Ah, ouais, incroyable. Vraiment, c'est bon, celle-ci, c'est pas la meilleure, mais il en fait ton genre de blague, un peu ça. Oui. Mais tu sais que ce que tu fais sur TikTok là avec ton stand-up, moi je trouve que c'est super cool parce ouais. qu'il y a personne qui fait ça. Bah c'est gentil. Ouais. Bah voilà. C'est bah j'ai oui. tout scripté que tu fais là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais ouais. J'ai bien énorme vent. Mais moi je suis c'est fan. Ça, pas du tout. Si. Je mets tu m'as demandé si je pouvais en écrire, je t'ai mis un vent énorme. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, non, mais du coup, j'ai écrit... ces vents-là, on les remarque plus, hein, tu sais. Nous, ça produit, c'est plus des vents. Du coup, j'ai écrit tout seul et voilà, c'est. Bah, c'est ça bien, vachement c'est bien. Mais. très bien. Non, c'est vachement bien. Ah, ouais, bah, du coup, j'arrête là parce que j'en ai fait assez, mais. Ouais. Mais oui, c'est pas mal. Faut les retrouver sur scène, celui-ci. Donc, évidemment, c'est pas les mêmes blagues que je fais sur scène, mais. Bah, non. Non, là, c'est très scripté. Cela dit, t'as plein de gens qui ont dû y croire. T'en avais fait avec une petite fille. Oui, bah, sur TikTok notamment, même les trucs très scripté où je fais monter des gens sur scène où je leur fais faire des dates et tout. C'est réel. Je pense que c'est vrai. Ah, mais c'est... alors évidemment non. T'énerve pas. Ouais, ouais, pardon. Ouais, je suis à cran, j'ai arrêté de fumer. Mais... Ah, c'est pour ça qu'il a réagi à nicotine tout à l'heure. Ah ouais, bah, c'est la dingue. Je suis sous patch là. Ah, il est sous patch. Ah ouais. Il monte Bibi discretos. Oh oui. Bah il fait pas exprès, il est juste musclé. Il doit s'en excuser. Je crois pas. Il est beau, il est beau. Fanny. Oui. Quelque chose que tu as apprécié récemment que tu as envie de partager avec nous? Bah oui, bah alors moi il y a un artiste que j'adore, c'est Jalen Ngonda. Okay. C'est un artiste de New Soul, voilà, de la soul classique. Ah, tiens. Et j'adore, je suis très très très fan. Donc voilà, très belle artiste, très belle. C'est récent, il a sorti des trucs ou non? Oui, c'est récent. Bah, il a un titre connu qui, enfin, il s'est fait connaître sur TikTok, il me D'accord. semble. Non, je dis de la merde. Enfin, moi, je l'ai connu hors TikTok. Okay. Mais il y a une de ses musiques qui a explosé sur TikTok. D'accord. Tu peux nous la fredonner? Ouais, ça fait. Na na na na na na na na na. Ok. Ok. Non. Na na na. Non, ça vous dit rien? Ah, non, mais après, je suis pas allé sur TikTok depuis des mois et des mois. Ah, ça me dit un truc. En vrai, ça me dit un truc. Je suis pris par le groove. Incroyable. Et vraiment, ça reprend le même grain que d'anciennes musiques soul. Et j'adore. Trop bien. Voilà. Toi, t'es un peu nostalgique d'une époque que t'as pas vécue. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est une époque où t'aurais aimé vivre. Quelle époque? 70. D'ailleurs, ah ouais. Chez moi, c'est full année 70. Ah ma ouais. déco mais oui, ça full se voit un peu avec ton petit bandeau sur les pas cheveux. Pas du tout. Okay. Ça, c'est. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Rien ah, à un petit côté Michel Legrand, un petit ouais. côté. Ouais, oh, tout j'adore ça. Michel Legrand. Tu vois il a réussi à la choper. Il l'a choper. D'ailleurs, je tiens à te le dire. Oui. Eh ben, tu m'as fait découvrir une musique qui fait partie de mes musiques préférées. Ah. À l'époque, tu l'avais mis en story et elle m'a fait une vague d'émotion. C'est un choc, ouais. C'est. Ouais, vraiment. C'est Whitney. Tu connais My Love tout. Tu connais? Non, ça me parle pas. Il a dû juste prendre une chanson qui marchait sur internet. Non, parce que tu avais vraiment partagé. Ah, Whitney. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Pardon, excuse-moi. Oui, Whitney. Oui, oui, oui. Ah, très très fort. Oui, oui, oui, j'adore. C'est toi qui m'as fait découvrir. Magnifique. Et depuis, j'ai écouté tout leur album et tout, j'adore. Voilà. Cool. Comme quoi, on chie beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de temps en temps, voilà, voilà. Comme ça, des belles découvertes. Des petites découvertes. Mais ouais. Quelle année, quelle époque t'aurais aimé vivre, toi, Léopold? Bon, celle-ci là. Moi j'ai un peu ça. J'aime bien, moi en vrai, on a plein de technologies superbes. Non, moi des fois je me dis, j'aurais surtout aimé. On se rappelle que des trucs bien des époques passées en fait. Oui, oui, en fait c'était horrible aussi. Bien sûr, mais après. Oui, je suis d'accord. Mais juste, il y a énormément de. Beaucoup plus d'homophobie, de tout ça. De racisme, de maladie. Mais toi, tu penses que c'est ça, je crois, Fanny. C'est ce que tu disais en antenne. Moi je suis ok de fou. C'est pour ça. T'as des beaux vêtements. C'est parce que moi je pense que j'ai le côté plus artistique des années 70. Oui, bien sûr. Mais la question. Implique ça évidemment voilà. Un petit tu peu oui. vous aimez un petit peu disrupter mais en vérité c'est un petit peu la question oui là du coup si on dans une version idéalisée voilà, de époque voilà. Années 80 moi je dirais ouais. ah. bah, ce que j'ai je l'ai vécu oui, bah, mais ouais, j'étais enfant quoi mais tu vois moi ouais. j'aurais aimé vivre toi ce que t'as vécu dans les en termes d'années parce que des fois je me dis ah j'étais pile trop jeune pour les 90s que j'adore oui. mais j'étais un peu petit alors que j'aurais kiffé ouais. Nirvana quand c'était encore vivant ah, ouais. Oui, c'est pas vrai. Du tout je passe à côté voilà et ça se trouve je serais tombé à côté c'est juste que je l'ai parce que justement ouais, ouais. je suis arrivé après mais années 90 en étant ado oui c'est vrai que ça aurait été cool je me dis Tarantino Kevin en fait tous les trucs que je kiffe bien je me dis ah peut-être toutes les années en tant qu'adolescent, 39-45 par exemple, c'est... Non, pas ouf, pas ouf. Après, t'as un petit bandeau 39-45. On parlait de bandeau, il est sur son bras. Donc très bien, de la soul alors. Oui, c'est de la soul. Tu peux nous rappeler l'artiste? Jalen Ngonda. Sublime. Un British. Quant à moi, avant de passer à Adrien, film que j'ai vu, alors attention, hein, c'est un truc qui cartonne au cinéma et que tout le monde a sûrement vu, mais A Complete Unknown, un parfait inconnu, le film sur Bob Dylan. Tu l'as bien aimé? J'ai adoré. Ah, t'as pas aimé toi? Et non. Ah oui, alors attention. Enfin, j'adore Bob Dylan. Ah bah putain, j'allais dire, attention, je suis fan de Bob Dylan. Okay. Non mais alors, parce que je suis fan de Bob Dylan de la bonne façon pour voir ce film, à savoir, j'adore la musique, je ne connais rien du gars. Donc moi, tout a été nouveau. Pour une raison que je n'explique pas. J'ai été très ému par plein de trucs de ce film, alors que le gars, le personnage, est pas très attachant. Oui, il est infect, c'est un peu un connard. C'est voilà, mais boring. Mais j'étais dedans. Je sais pas à quoi te dire. Alors déjà les musiques, j'ai eu ce truc comme tout le monde a quand il va voir un biopic. Tu vas voir les musiques que t'aimes bien. Donc voilà. Donc là depuis, je suis en boucle sur les deux albums en fait qui sont le plus présentés dans le film, à savoir son album de pure folk avec Blowing in the Wind, etc. Ouais. Et celui un peu électrique avec Like a Rolling Stone et toutes ces chansons. Mmh. Et avec il y a l'album au milieu avec Maggie's Farm, etc. Mais en tout cas, ces trois albums là parce qu'en fait Bob Dylan il continue à faire des chansons et tout, mais les trois, toutes les chansons que vous connaissez, la 95% des chansons connues de Bob Dylan sont sur ces trois albums en vérité. Et d'ailleurs remettons les trains sur les rails, Knocking on Heaven's Door, c'est Bob Dylan et pas Guns N' Roses. C'est parce que là je suis en train de m'énerver. Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as le poing serré. Là j'ai le poing serré de fou. Tu baves et tout. Non, c'est dommage. Moi, je suis plus électrique que folk. Après son album folk que j'ai bien aimé, mais là le film, je sais pas, je l'ai trouvé ennuyant de zinzin. J'étais dedans. C'était long. Ouais. C'est... En vrai, par contre, le personnage est ennuyant. En vrai. Ouais. Ça, je suis un peu d'accord. Il a rien quoi. Il est bien. Timothée Chalamet. Oui, il est super. Ah oui, tu oublies que c'est Timothée Chalamet. C'est fou. Ouais. Ah oui, par contre, parce qu'il se trouve pas qu'il ressemble beaucoup à Bob Dylan. Mais ça, là, c'est bien ça. Mais là, ils lui ont refait un peu le. Ah, tu crois? Ouais, son nez, il est totalement différent. Ah ouais. Mais même, je trouve que si, il l'interprète très bien et même il chante très bien. Ouais, c'est lui qui chante toutes les chansons. Putain, mais il est dingue ce mec. Parce qu'en fait, c'est réalisé par James Mangold, qui est qui est un réal que j'adore. Bah, c'est super. Qui avait fait un vrai. Alors, moi, je dis chef-d'œuvre à tort et à travers, des gens me reprennent. Donc, oui, je dis chef-d'œuvre quand j'aime beaucoup un truc. Mais on a le droit d'être enthousiaste, très sous-estimé, qui s'appelle Le Mans 66, qui est avec Matt Damon et Christian Bale. Ouais. Et j'adore ce film. Mais moi j'ai bien aimé le Indiana Jones. Hein. Et le Indiana Jones est très cool. Moi, et il avait fait le biopic sur Johnny Cash aussi, Walk the Line. Ouais. Donc voilà, c'est un super. Et qui avait fait le Logan aussi sur Wolverine. Enfin, il fait plein de films très différents. Et oui, c'est un super. À la fois indé et d'autres complètement. Et des énormes blockbusters en même temps. Donc voilà, moi j'adore James Mangold et j'ai beaucoup aimé la retranscription de l'époque, tout ce truc de la peur de la guerre froide, ça m'a vachement parlé aussi, de trucs de, je sais pas, et de tout l'arc sur Joan Baez aussi, que je kiffe cette chanteuse. Et attention, oui, je te vois sourire, Fanny, je te vois. Ça, j'ai trouvé ça super chouette et tout, donc voilà, j'ai vachement aimé toute sa relation avec le. Alors j'ai oublié le nom du chanteur, mais que joue Edward Norton, ce mec qui fait de la folk, qui crée le festival et tout là, le vieux. Parce qu'en fait le film continue de mimer à la guitare, on va trouver. Là, parce qu'il a un banjo en plus, il a pas une guitare, mais en gros c'est Woody Guthrie. Ah oui, c'est vrai. Hein? Woody Guthrie? Eh ben je crois que c'est ça. Putain, bien joué. Attends. C'est celui qui a inspiré un peu Bob Dylan. En fait c'est ça. En gros, Johnny le film Cash, aussi. Hein. Le film s'ouvre en fait sur un truc que je trouve trop beau, c'est que Bob Dylan va à New York pour rendre hommage à un chanteur qu'il adore qui est sur son lit de mort. Et donc en fait il y va pour le remercier et il lui a composé une chanson et il veut lui faire une chanson avant qu'il meure. Donc déjà rien, moi j'ai chialé dès là, dès ça j'ai trouvé ça très beau. C'est là où il rencontre le personnage d'Edward Norton. Je crois que Woody c'est celui qui justement qui est malade. Je crois que c'est justement qui meurt. Mais j'ai pas reconnu Edward Norton, mais j'ai envie de me. Arrête. Non, je ça l'ai arrive, pas. C'est pas grave. J'ai envie de me frapper. Frappez-moi, non, par pitié. Non, mais c'est juste, j'ai envie qu'on me frappe. Woody Guthrie, c'est vraiment non, vieux. Lui, donc, c'est le pote qui est effectivement sur son lit d'hôpital. Et dans Norton, il joue Pete Seeger. J'ai été emporté, mais je suis d'accord, il se passe pas grand chose. Mais si vous aimez Bob Dylan, voilà. Et si vous n'aimez pas les ongles trop comme Léopold, il a des très longs ongles parce qu'il fait de la guitare. Ah, mais ça, je comprends. Non, mais il y a vraiment une scène où il est un peu comme ça. Poétique et il parle à sa meuf je n'écoutais pas, j'étais obnubilé par les 17 cm d'ongles de Bob Dylan. Mais donc, bon, souci du détail en tout cas. Ah bah souci du détail, il y va à fond. Non mais voilà. Et donc, tu as bien aimé toi ce film? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Et Bob Dylan, tu aimes? Bob Dylan, j'aime bien. Ouais, non, c'est très beau, cool. C'est très simple. Moi j'aime bien les trucs simples. Et... ouais, puis ça raconte des trucs. Enfin, je sais pas, il y a une scène que je trouve trop bien, je veux pas tout spoiler, mais où il compose une chanson avec un sifflet et il se marre un peu entre eux. Et ça fait très vrai. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça. Oui, par contre, oui, il y a un côté très naturel. J'étais dedans. J'étais dedans. Titre. Complete Unknown de James Mangold. Adrien Méniel. Alors moi j'ai vu un film que je voulais voir depuis longtemps et donc je suis content de l'avoir vu, qui s'appelle Vincent doit mourir. Oui. Ah. Avec. Il est mort ou pas du coup? Je peux pas spoiler. En l'occurrence, il doit mourir. Il doit mourir. Avec Karim Leclou et Vima Laponce. Et donc le pitch de base, c'est un mec, à un moment donné, il se rend compte que. Quasiment à chaque fois qu'il croise quelqu'un qui fait un eye contact, la personne lui saute dessus pour le tuer, quoi. Ouais. Et dès que l'eye contact se brise, la personne se calme. Et donc, du coup, c'est une espèce de malédiction bizarre. C'est vraiment le point de départ du film. Après, ça part dans une espèce de cavale et tout ça. Et je trouvais très bizarre, très curieux ce film, mais du coup, assez prenant. En revanche, je tiens à prévenir parce que moi, je pensais que c'était un. Enfin, que le ton était assez léger quand j'avais vu la bande-annonce. Ah oui, non. C'est très dark. Ouais. C'est vraiment dark. C'est très dark. Okay. C'est, dans la bande-annonce, c'est quand même. On voit une horde de gens qui sortent d'un supermarché pour le. Ouais, ouais, mais après, il y a presque un côté un peu grotesque de ça. Lui, il est en train de courir, genre, oh, il y a des gens derrière. Ah, ouais. En fait, moi, je m'attendais à un ton un petit peu genre, oh là là, je vais me faire taper et tout. Non, non, c'est. Ah, c'est gore. Vraiment dark et trash. Il doit tuer des gens qui veulent le tuer. T'as dû adorer, il y a tout un truc avec. Il y a le chien. Bah, le chien est la star du film pour moi. La star du film. Ah, ouais. Et. Alors, par un spoil, Fanny, je sais que tu t'en es folle. Une très belle baston dans la merde. Oh. Ah bah c'est un spoil, mais moi c'est pas c'est pas un spoil. Non, ça va aller regarder direct. Il faut la voir, faut la ça voir. Va aller moi c'est le moment direct. Où je me suis dit ah oui. Donc que... ah ouais, de la pure merde. Ah ouais ah ouais, ouais. Et c'est enfin faut regarder Léopold. Ouais, c'est très tu vois, je suis sûr qu'on l'a vendu à plein d'éditeurs du film. Mais c'est pas drôle hein. Ouais, c'est ouais. Vraiment on pourrait dire une baston de caca. Non non, c'est horrible. C'est horrible, mais j'ai trouvé que c'était un chouette film et tu parles de Walk the Line, tu parles de biopic et tout, ça me fait penser à un film que j'adore qui s'appelle Walk Hard. Bien sûr. Qui est en fait, qui est sorti peu de temps après justement Walk the Line. Bah c'est un peu c'est une parodie de Walk the Line, mais qui est en fait un prétexte pour être une parodie de tous les biopics de musiciens en fait. C'est un film, donc c'est humoristique, c'est un film du SNL, me semble-t-il. Non, c'est produit, pas, c'est Apatow. Non, oui, oui. C'est Judd Apatow qui le produit, okay, qui l'a co-écrit. Ok, mais parce qu'il y a un autre. Bon, bref. En tout cas, il y a plein de guests en tout cas. Plein de gens. Bon, bref, il y a énormément de guests, notamment Jack White des White Stripes qui joue Elvis. Ah ouais. Mais qui fait vraiment un caméo. Il fait du karaté. Enfin, et c'est John C. Reilly qui joue le rôle principal que j'adore, qui est trop drôle et c'est trop marrant. Enfin, et en fait, ils ont vraiment repris tous les clichés de ce genre de biopic et ils s'en moquent. Ah, c'est super. En fait, il est pas très connu, j'ai l'impression. Non, ce film, pas tant. Non, moi je connais pas. Moi je l'ai vu 3-4 fois, je pense. Ah, il est vraiment drôle. Ok, je vais voir ça par contre. Trop marrant. Enfin, tu sais, il y a genre une scène. Il a redit chef-d'œuvre. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Ah, bah celui-là, vraiment, je le mate une fois par an. C'est pas il y a vraiment le cliché de. Le môme, on le voit lui quand il a genre 4 ans, 5 ans, et il voit des bluesmen qui sont en train de jouer de la guitare. Le mec lui fait eh, vas-y, gamin, essaye. Donc il fait un accord, et puis bon, c'est dégueulasse, et lui dit et le gosse, il replace bien ses doigts. Et il fait un accord parfait, puis après il se met à jouer le blues parfaitement du premier coup avec une voix de bluesman. C'est un peu genre l'humour des As, un peu, non? Un peu, ouais. Bah, je vais adorer. Regarde ce film. Ouais. Ok. Et ce qui est fou, c'est que justement, il y a un podcast que Judd Apatow a fait. Je vais le revoir. J'ai rien d'y repenser là. Et en fait, il a même niqué plus ou moins tous les biopics qu'il y a eu après. C'est-à-dire qu'il y a le biopic de Amy Winehouse, le biopic de Queen. Quand tu vois le truc, t'as aussi des scènes. Bah, pour le coup, Elton John, il était un peu plus. C'est une comédie musicale musicale. Mais là, les biopics stricto sensu, disons, t'es obligé. En fait, mais moi, c'est vrai, hein, quand je pense à Walk Hard, il y a celui sur Bob Marley, il y a une scène, c'est la version sérieuse du truc que parodiait déjà il y a bientôt 20 ans, Walk Hard, sur la toucher à la drogue. Bah, ou c'est la force de. Je trouve que c'est la grande force de la parodie. C'est le côté. Oui. Bah, en fait, on en a fait une parodie, donc tu peux pas le refaire premier degré. Enfin, tu sais, il y a vraiment un truc qui fait avancer la création en fait de la parodie. Il y avait eu assez peu de biopics à l'époque, c'est ça qui est fou. Il y avait eu Ray avec Jamie Foxx et Walk the Line. Qui a gagné un Oscar d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et en gros, il reprend un peu les trucs de ces films-là. Après, c'est une en plus, c'est une vraie parodie même du monde musical justement. Oui, il a une période un peu Bob Dylan. Il est très long ce film, je crois. Ça dépend, il y a les versions longues, mais je crois qu'il dure 1h40. Mais effectivement, en fait, il a plein de périodes dans le film et donc ça parodie un moment Bob Dylan, un moment les Beatles, un moment Pink Floyd, et ça qui est t'aimes la musique, en fait c'est le meilleur de tous nos mondes là. L'absurde comme Léopold, Walk Hard, chef d'œuvre, n'hésitez pas. Ça m'a donné envie de le revoir. Moi je vais le revoir. Il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'ils font le cliché de quand il est énervé, il pète un câble et il arrache un lavabo. T'sais, il fait genre c'est vraiment ce gros cliché. Il pète sa loge quoi. Oui, mais il y a un truc avec les lavabos. Et du coup, il y a un moment, sa femme qui lui dit si tu pètes encore un lavabo, je te quitte et tout. Il y a vraiment une rangée de lavabos, il les arrache. Bon, c'est nul. C'est vraiment très drôle. C'est très très drôle. Donc, j'ai envie de citer toutes les. C'est quelle année? J'ai envie de. 2007. Ouais. Ah, donc oui, ça c'est récent. J'ai envie de citer toutes les répliques et de toutes les gâcher. Je vais pas le faire. Je t'en prie, Non, le truc avec la drogue et il arrange. Ah, ouais, mais tout est bien. Tout est bien. Donc, ouais, Walk Hard de Jake Kasdan. Écrit par Jake Kasdan. En parlant de Kasdan, j'ai un peu faim. C'est la fin de cette émission. Fanny, on te retrouve sur Twitch. Oui, un peu partout. Un peu partout, mais c'est vrai. YouTube bientôt aussi. Ah, tu vas te lancer. J'aimerais bien. Des petits vlogs, des petits concepts. Mais j'aimerais bien aussi. Je drop ça comme ça. Mais j'aimerais bien me lancer dans l'écriture de petits courts-métrages, des trucs comme ça. Ouais. Ah, sympa, génial. Oui, parce que t'avais fait un peu. Pour Combini, t'avais fait du micro-trottoir, j'ai testé. Ouais. Et j'ai pas approuvé. Ouais, alors, d'accord. J'ai adoré travailler avec Combini. L'équipe était exceptionnelle. Mais en fait, je suis une fausse extravertie. Tu vois. J'aime pas déranger les gens dans la rue avec mes conneries. C'était très difficile. C'est une expérience au point où j'étais comme ça. Je dis, vous pouvez aller leur demander parce que je vais pas essayer et tout. Donc, c'était trop bien. C'était trop bien. Mais c'est tu pas. Tu le referais pas. Ouais, non, okay, je préfère que ça soit écrit en fait. Il y a le côté contrôle et tout. Donc, j'aimerais bien écrire des trucs comme ça. Puis des concepts vlog, des trucs un peu plus simples, tu vois. Génial, voilà. Génial, super. Bah, tu m'inviteras dans tes. Ah, bah, moi j'aimerais bien. Mais tu sais que je je n'ose pas aller voir les gens pour leur demander. Ah, il faut réclamer. C'est pas comme découvert ça, c'est pas comme de ça que t'auras un Woody du Big Deal. Hein. Bah ouais, mais c'est dur d'aller. Bah dire... pas Adrien, parce que moi il m'a toujours refusé, mais en vrai. Même je te fais pas non, de facture. Non, mais moi il va accepter. Moi il va accepter par contre. Mais et donc c'est la Pani. Oui, qu'il faut la Pani sur les réseaux. Léopold. Attends, bah là c'est mon moment. C'est la première fois que je promeux quelque chose de bien. Allez, Gérald III, la BD arrive. Yes. Il meurt à la fin quand même. Où est-ce que tu vas jouer? Alors, je vais être en tournée là en région. C'est ça. De... Il meurt brûlé au premier degré. Trop beau. De mars jusqu'à juin, et puis je serai. Je l'annonce pour la première fois ici. Ah ouais! Oh là! C'est l'exclu! C'est l'exclu! Allez. Je serai à l'Européen. Oh! À partir de septembre. Oh là là! Jusqu'à ce que. Mort sans suivi. Bien sûr. Voilà, premier spectacle qui n'a pas de nom. Ok. L'affiche vient de sortir? Elle est sortie quelques jours. Pas pour nous, mais pour les gens. Non, mais voilà. Et puis voilà, toutes les infos sont sur leopoldlemarchand.com. Il a son propre site.com. Bien sûr, c'est un snip feed, mais voilà, j'ai un site. Moi, je sais bien. Tu fais ton petit vernissage. Bah alors là, c'est sorti. L'épisode là de podcast sera sorti, mais. C'est long, c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Allez, on passe à autre chose. Voilà, en tout cas, je suis sur Billet Duc. Déjà sur le rodage, des très bonnes notes. Voilà, le spectacle est apprécié, je vous le dis. À hurler de rire. Rodage hilarant, ça n'annonce que du bon. En revanche, tu feras attention, Léopold, qui a écrit sur Billet Duc pour tout public à partir de 6 ans. Alors, non. Voilà, je pense qu'il faudra peut-être modifier ne ça. Ne venez pas avec vos enfants, non. Là, non, ça non. va faire un bad buzz comme Michou. Parce qu'à côté, son jeu. Et son jeu. Oui, non. Bon, bah, merci tout le monde. Salut. Merci. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.